goes into getting traded. I'm feeling grateful, anxious, but at the same time, I know what I got to do coming here. So helping the young guys, playing as hard as I can, and for one, thanking Tibbs. And Tom Thibodeau, he loves Derrick Rose. Wherever he goes, he gets Derrick Rose on the team. It is absolutely crazy, the loyalty. He loves Derrick Rose. Stuff that he would shoot one as well. How sweet it is. Can't play coming off the bench, so Rose creating havoc. Previously helping his teammate with the dunk. Almost the perfect start, first couple of minutes for Rose. Let's take a look at Rose. Usually not his forte, the three ball. Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, amis d'Enix, bonjour ou bonsoir. C'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve pour cet épisode 10 de The Nix Episode avec l'équipe habituelle. Bonjour Joanny. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Salut les gars. Et en prime, nous avons un invité spécial aujourd'hui, Vince Vincent de NBA Nation France. Vincent, bonjour à toi. Salut les gars. Bon, écoute, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Vince. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? C'est déjà merci de l'invitation et ça me fait très plaisir d'être avec vous parce que ça fait un moment qu'on se connaît et qu'on parle basket ensemble, mais on n'avait jamais eu l'occasion de le faire avec des gens qui écoutent, si tant est que ce soit intéressant de vous écouter. Du coup, moi c'est Vincent, je suis membre Nix Nation France, accessoirement. Alors ça fait rire Joanny, mais community manager seul et unique du compte NBA Nation France sur Twitter, Instagram, enfin bref, un compte fan où on regarde l'actu du basket dans le large spectre du basket, on va dire. Avec un ton léger et de l'humour, bien sûr. Oh oui, jamais de prise de tête, on essaye. Parce que ce n'est qu'un jeu, hein. Il y a beaucoup de gens ce n'est qu'une passion. Qui prennent ça très très au sérieux, trop au sérieux parfois sur ces réseaux sociaux. Ça reste un jeu où on prend un ballon et on le met dans des paniers, donc il faut relativiser tout ça. Et si vous avez perdu 2000 euros sur Paris en sport, c'est pas de notre faute. Ah bah oui, on ne rembourse pas. Voilà. C'est une passion certes, mais on peut tous en rire quand même. Bon, en tout cas, je vais vous donner un petit peu là le menu du jour, du moins ce qu'on va essayer d'aborder. Dans un premier temps, première chose évidemment, ce qui a fait beaucoup de bruit, le retour de D-Rose sur Big Apple. Donc ça, obligé, élément incontournable, on ne peut pas ne pas en parler. On va aborder évidemment les sélections du All-Star Game, parce que c'est une échéance qui nous attend. On aura un petit mot pour Julius Randle. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas en passer. On peut pas non plus y déroger. Il y a également le retour du public aussi. Et enfin, on parlera des divers rumeurs, trades. Et pour ça, Vince aura son point de vue sur le sujet. Ce sera très, très intéressant d'en parler. Alors, messieurs, mettons le pied dans le plat. Le retour de D-Rose. Enfin, le retour avec son numéro 4. Dans un package où on a vu partir Dennis Smith Jr. Et un tour de draft. Finalement, Dennis Smith, il n'aura pas joué en G-League. Hein. Il est parti barboter un peu dans les piscines à Orlando, mais finalement, il est parti tout de suite dans le Michigan pour se relancer sa carrière aux Detroit Pistons. Donc, bonne chance à lui. Hein. On peut que lui souhaiter du bon, hein, même si finalement, l'aventure à New York, elle a fait pchit. Hein, elle n'a pas réussi. C'est dommage parce qu'il se traîne un peu l'étiquette de la pièce maîtresse du trade de Kristaps Porzingis. Une page qui se tourne, une petite page. Hein, il n'y aura pas eu beaucoup de lignes, de chapitres Dennis Smith Jr. Voilà, on pensait avant la saison que ça allait être notre Derrick Rose du pauvre, notamment vis-à-vis de coach Thibodeau, qui aimait un peu ce profil de meneur. Finalement, on l'a échangé contre le Derrick Rose original. Alors, peut-être pas le Derrick Rose de Chicago, peut-être pas le Derrick Rose des Minnesota Timberwolves, mais finalement, le Derrick Rose qui vient des Detroit Pistons dans un rôle de mentor. C'est très bien. Hein, je pense qu'on ne va pas y perdre au change, surtout depuis ce qu'on a pu voir là, sur les quelques premiers matchs. Oui, évidemment. Juju, ton point de vue toi, sur le sujet? Sur ce sujet, écoute, le départ de Dennis Smith ne m'a pas affecté plus que ça. Je pense que comme tout le monde, il n'a rien pu prouver à New York pour plein de raisons personnelles et autres. Le retour de D-Rose, au début, j'étais content, mais tu vois, je ne me suis pas emballé parce que nous, son premier passage, on a eu un Derrick Rose... la tête en l'air. Beaucoup de problèmes extra-sportifs, pardon, quand il est arrivé sur la saison où il nous a rejoint. Des blessures aussi. Ouais, blessures. On a eu un Derrick Rose très moyen lors de son passage à Big Apple. Donc, quand tu annonces qu'il revient, bah, t'es curieux de voir parce que c'est vrai que derrière, il s'est très bien relancé à Minnesota. À Détroit, il faisait un taf très intéressant dans son registre. Après, tu sais qu'il vient et qu'il rejoint son mentor, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, Thibodeau, parce que j'ai vu passer une stat, mais je crois qu'il a fait pratiquement les trois quarts de sa carrière avec lui, tu vois. Minnesota, et Chicago et maintenant New York. Donc clairement, il a déclaré qu'il avait envie de rejoindre Thibodeau dès qu'il y a eu l'offre, parce qu'il y a d'autres prétendants dont on a parlé, notamment les Lakers, je crois, enfin, ou des clubs de Los Angeles, pour récupérer D. Rose. Donc, tu vois, il avait très envie de rejoindre Thibodeau. Thibodeau le connaît par cœur et sait l'utiliser comme il faut. Et sur ce qu'on a vu sur les premiers matchs, bah, ça s'est confirmé. Je pense qu'on aura un D. Rose différent de son premier passage. Un D. Rose qui va prendre le relais avec les jeunes, notamment avec notre petit Quickley. J'avais un petit peu peur, justement, qu'avec Quickley, ça se marche dessus, qu'on mette Quickley de côté. C'est pas forcément le cas. Je pense que, justement, Quickley, c'est un peu le style D. Rose, c'est-à-dire plus scoreur que passeur, mais deux joueurs qui ont une pace hyper rapide, deux joueurs qui font énormément de bien, les deux joueurs sont utilisés ensemble sur la seconde unité, et franchement, c'est un des gros points positifs depuis que D. Rose a rejoint, c'est cette seconde unité qui peut se trouver parfois sur certains matchs, mais qui apporte vraiment énormément et qui nous fait gagner des matchs, moi je trouve, tout simplement. Donc ouais, D. Rose, c'est une très bonne chose, et puis il a quand même beaucoup progressé derrière l'arc. Il a un shoot à 3 points qui est fiable et, ouais. Et puis il est extrêmement rapide et c'est un vrai bon scoreur. Quand tu vois, quand il est sur la seconde unité, la question se pose pas. Tu sais que D. Rose, s'il faut y aller, il ira et il va être efficace. Donc ça déjà, c'est un vrai point positif pour moi. Je pense que c'est une vraie bonne pioche. Moi, il y a deux choses sur lesquelles je te rejoins. La première chose, c'est effectivement le fait qu'il ait un rôle qui est totalement différent en fait par rapport à son premier passage. Son rôle est vraiment bien défini et il le prend vraiment à cœur et ça impacte vraiment sur nos rookies notamment et sur la seconde unit. Et la deuxième chose que tu avais évoqué aussi, c'est sa qualité à 3 points. Son jeu évolue en fait. C'est-à-dire qu'en fait. Obligé. L'âge, hein. Auparavant, il était beaucoup plus slasher. Et le fait qu'il puisse trouver un peu cette réussite derrière la ligne, ben, en fait un joueur aussi qui peut être dangereux et peut varier également le jeu. Il attaque sur toutes les parties du terrain. Il continue à slasher même s'il va pas Thomas. Et franchement, c'est une belle arme offensive. Et puis surtout, on voit quand même un joueur talentueux, quoi qu'on en dise, un ancien MVP, un des meilleurs joueurs de la ligue à son époque. Et tu sens quand même qu'il y a une différence par rapport à Austin Rivers, parce que je vais mettre tout de suite en comparaison Rivers, puisque c'est lui qui était associé à Quickley, pardon. Oui, première victime d'ailleurs hein, de son arrivée à D. Rose. Total victime, il est décédé le pauvre dans la rotation. mais tu vois, Rose, Rivers, la comparaison, elle est violente pour Rivers. Il a eu des coups de chaud Rivers, mais Rose, il y a quelque chose, une gestion du timing qui est complètement différente. Oui. C'est mieux corporellement, quand il est sur le terrain, tu sens autre chose, tu vois. Il a une aura qu'a pas Rivers, forcément. Et en plus, il est calme et en même temps, il est capable d'accélérer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'équipe tourne vraiment mieux. Et en plus, petit point, je voulais en parler un vite fait, c'est Toppin. Bon, je suis pas fan de Toppin, mais Rivers Toppin, ça marchait absolument pas. Rose arrive quand même à décaler un petit peu Toppin, et depuis que Toppin joue avec Rose en seconde unité, c'est un peu mieux. Bah, c'est ce qu'avait évoqué Joanie aussi, le fait de varier le jeu inter-exter, et en fait, le fait que D. Rose puisse trouver un peu ces passes là qui arrivent backdoor avec pour ses intérieurs et notamment pour Toppin, on le voit aussi où il alimente également bien comme il faut nos intérieurs aussi. Je trouve que ça rajoute vraiment un peu plus un panel un peu plus large en fait dans nos attaques qui pouvaient être un petit peu stéréotypées quoi. D'ailleurs, moi je m'interrogeais beaucoup hein, sur l'état de forme de D. Rose parce qu'en fait j'avais pas nécessairement la vision de lui en dehors des Knicks. Alors après, c'est pour ça que Vince, moi j'aimerais bien avoir un peu ton point de vue sur le sujet. Surpris, pas surpris sur la manière dont il a débarqué et il a réalisé ses premiers matchs à New York. Alors un peu, je peux te faire net un peu surpris. Au début, je vois les rumeurs, Thibodeau veut faire revenir Rose. Bon, un peu attendu parce que Thibodeau il a toujours fonctionné comme ça, il a toujours ramené ses gars. La preuve, Taj Gibson qui fait revenir après avoir cut. Mais donc la rumeur au début, ouais, Rose ou Nix, je me dis ouais, bon, c'est juste la liaison facile. Ouais, puis de la liaison facile, il y a Thibodeau, il va faire venir Rose. J'ai honnêtement, je pensais qu'il allait signer genre aux Lakers ou qu'il allait partir aux Warriors. Enfin, toi, qu'il allait chercher un contender. Après, voilà, Derrick Rose, pour moi, c'est un joueur pour qui j'ai de l'affection parce que honnêtement, ceux qui l'ont vu jouer en 2010-2011, tu pouvais que halluciner sur chacun de ses matchs parce que ses moves, par son explosivité. Ta blessure, ses blessures font que bah, t'as un peu d'empathie pour lui, parce que tu vois qu'il y a une carrière brisée, hein, comme Penny Hardaway ou comme Brandon Roy, toi, ces joueurs-là, qui resteront toujours en mode ah putain, s'il avait vraiment fait carrière, quoi. Un what if, quoi. Donc, là, j'ai vraiment une affection pour ce joueur-là. Très content qu'il soit relancé à Minnesota. À Détroit, il a fait du bon taf, honnêtement. Et donc, assez surpris de le voir débarquer, surtout vu le roster qu'il y avait au Knicks. Alors, bon, Dennis Smith Jr., je me doutais bien qu'on ne le reverrait jamais. Ça, lui, c'est la définition du gars qui est au mauvais moment, au mauvais endroit. Tu vois, je pense que c'est un mec qui a du talent. C'est un mec qui a peut-être pas le jeu adapté aux années 2020 avec un shoot à 3 points qui est très faible. Mais toi, c'est un mec, la première saison à Dallas, il a fait le taf. Il se prend Luka Doncic dans les pattes. Bon, allez, terminé, mec. Là, il est à New York, il a jamais pu vraiment montrer. Bon, j'espère qu'à Détroit, dans une équipe qui joue rien, il pourra réussir à se montrer un petit peu. Juste une question d'ailleurs, est-ce qu'il a joué? Parce que moi, franchement, je vais pas te mentir, je regarde. Ouais, il a joué récemment. Ouais, c'est un mec qui a pas joué depuis 2 ans. Faut lui laisser le temps. Alors, démarrer doucement. Mais il a joué au moins. Il a joué, ouais. Mais c'est un mec qu'on va. Tu vas voir, il jouera, il va refaire quelques trucs. Dans un contexte autre, je suis sûr qu'il est capable de se relancer. C'est ce qu'il aurait besoin aussi, notre Frenchie, à mon avis. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, en tout cas, bon, l'arrivée de Derrick Rose, donc, un peu content en tant que fan d'Enix de le voir débarquer sous notre maillot. Comme vous disiez, bon, le premier passage, ça a quand même été un gros flop. C'était le pire. Je pense que c'est le pire moment de basket, ça. Et puis les Cavs, c'est le pire moment de basket de sa carrière. Donc le côté de retour au Knicks, pour moi, il a jamais vraiment été là. Quoi. J'aurais kiffé ce passage s'il était retourné avec Thibodeau à Chicago. Là, tu te dis, ouais, c'est bon. Le contexte est complètement différent. Le fils de la patrie est de retour. Là, New York, bon, toi, c'est pas. J'aurais appelé un retour si c'était Melo, toi. Là, bon, Rose, c'est un contexte un peu différent. T'es un peu surpris vis-à-vis du roster, je vous disais, parce que bah, pour moi, il y avait. T'avais deux meneurs qui servent à cirer le banc. T'as notre magnifique Elfrid Payton, là, qui est titulaire. Plus Rivers, qui, malgré ses gros trous d'air, avait amené un truc. Et le petit Quickley, je pensais pas qu'ils iraient chercher un poste 1-2 qui garde la balle en main, toi. Surtout profil de Randle, etc. Et je m'attendais à avoir un mouvement plutôt sur un vétéran shooter extérieur, quoi. Maintenant, pour l'instant, il a pas fait encore, je trouve, un match masterclass avec Phoenix, mais comme vous disiez, il apporte un truc, il apporte un mentorat, il apporte de l'expérience. Je pense que Thibodeau, il a besoin d'avoir son relais aussi sur le terrain et dans le vestiaire. Avec Derrick Rose, il y a vraiment ce lien, à mon avis, qui est au-delà du basket. Et il y a une confiance qui fait que sur le terrain, bah, t'as besoin pour un RJ Barrett qui peut avoir un manque de confiance des fois, un Quickley qui est tout jeune, d'avoir un gars sur le terrain qui va être là. Qui va te reposer. Il connaît les systèmes par cœur de Tibbs, il sait exactement comment les gars doivent se positionner avec lui, ça c'est vrai que tu le vois sur certains trucs. C'est flagrant. Puis c'est des tontons, hein, avec Taj Gibson. Toi, Taj Gibson, c'est un peu le Udonis Haslem qu'on le hit, toi. C'est ces mecs qui vont peu jouer, qui physiquement en imposent, qui vont aller prendre des coups pour les autres et en mettre. Et toi, D-Rose, je pense qu'il a cette espèce de cette connexion qu'il peut avoir entre le coach et ses jeunes ou ses jeunes stars, parce que même s'ils sont pas tous les jeunes de l'année, mais toi, c'est quand même des gens qui ne font que monter. Donc là-dessus, je trouve que c'est intelligent de la part d'Enix de l'avoir fait venir. Il y a un truc, c'est que Vincent a raison, c'est il joue en pick and roll avec Gibson, il se trouve les yeux fermés, ils le font pas 50 fois dans le match, parce que Gibbs n'a pas la capacité de le faire. Mais si tu regardes bien, Rose, quand il fait les passes à Gibbs, il y a aucun regard, quoi. Le gars, il sait exactement où. Ils se connaissent par cœur. Ils se connaissent par cœur. Puis t'ouvres le jeu, tu ouvres tes shooters. Et les deux dans la seconde unité, justement, moi je trouve que pour un gars comme Toppin ou pour Quickley, ça apporte quand même une sécurité, une certitude dans le jeu que bah t'avais pas forcément avec Rivers, du coup. Malheureusement, et c'est vrai que du coup, comme Thibodeau, on sait qu'il est exigeant, notamment avec ses gamins. Je pense que Rose, tu vois, absorbe une certaine pression et ça leur permet aux autres d'être plus lâchés. Alors, c'est sûr que Quickley va mettre moins de cartons en ce moment, mais peut-être qu'il est en train d'apprendre là pour le futur. C'est très, très intéressant. Clairement. Après, Rose, il abuse pas des tickets shoot non plus. Je trouve qu'il est intelligent aussi dans sa façon de gérer. Il est pas arrivé en disant, écoutez, je suis MVP, je suis multiple All-Star, le coach, c'est mon coach, ça devient ma team. Il arrive avec beaucoup d'humilité et en ayant conscience de son rôle, en fait. Et surtout, le fait qu'il ait pris d'entrée de jeu les rookies sous son aile, il s'est directement adressé à eux. C'est ce qui est sorti dans la presse, c'est ce qui est sorti de Quickley, je crois qu'il a dit que premier repas à table, il leur a dit, les gars, moi je suis là pour vous aider, s'il y a moindre question. Enfin, tu vois le mec sain. C'est un bon pic pour ça, et moi je militais plutôt pour un retour de Melo à la base, toi, je me disais, ah, ce serait bien quand même pour boucler la boucle. Et toi, clairement, c'est un mec qui serait pas capable de faire ça. C'est un mec qui est pas capable de laisser les shoots aux autres et d'encadrer des jeunes, il l'a jamais fait, il le fera jamais. Portland, c'est pas ce qu'il lui demande, ça colle bien, et en fait, au Knicks, toi, ça aurait été une erreur. Alors que D-Rose, c'est peut-être pas un Knicks à la base, mais toi, le mec va apporter une culture qui est vraiment propre, je trouve. Ouais, je pense qu'on va plus apprécier ce D-Rose 2.0, c'est nouvelle ça. Version. Donc, il reste en bonne il santé. Il y avait des running gags autour de, tu vois une ambulance, ah tiens, D-Rose arrive. Donc non, on va lui souhaiter vraiment une bonne santé. Ouais, il mérite. Et c'est vrai qu'il a eu un parcours assez chaotique. Il est monté très très vite hein, dans la hiérarchie NBA, ouais. MVP. Le plus jeune MVP de l'histoire. Il a passé par des mésaventures assez complexe et tout. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire son bouquin, sa biographie très intéressante. Et voilà, c'est un gamin qui sort de quartier difficile, qui est un travailleur, qui est un bosseur et qui est un amoureux du jeu, quoi, avant tout, quoi. Et c'est vrai que voilà, sa carrière, c'est un peu un what if, hein, parce que les rivaux de LeBron James. Ah, il a pris un MVP au milieu de les voilà. il y a le contexte, The Decision, tout ça. Certains disent que bon, on a donné le titre pour compenser The Decision, mais quoi qu'il arrive, il affichait un niveau de jeu irréel à un très jeune âge. Depuis, il s'est réinventé. Rose, il s'est pas devenu un énorme shooter non plus. Il prend un petit volume de 3 points. Après, tout ou rien, il y a plein de gens, des joueurs intelligents aussi, ils se réinventent. Hein. Regarde un ancien Knicks, par exemple. Tu prends Jason Kidd. Kidd, à une époque lointaine maintenant, mais la vanne, c'était quand même que Kidd, il faisait des passes D parce qu'il était incapable de mettre un panier. Quand il était à Phoenix, c'était la vanne. Il a fini en étant quasiment un expert à 3 points, alors que les 5 premières années... Bah, même les 10 premières années, même honnête, il shootait pas. Et à la fin de carrière, il a plus de 40%. Et dans la liste des nombres de 3 points pris et marqués, il est très très haut dans le top. Donc ça, c'est des joueurs intelligents, quoi. Rose, c'est un bonhomme qui est sympa, tu le vois. Enfin, il a une bonne mentalité, ça se sent. C'est... Le body language est complètement différent. Tu le vois sourire maintenant. Ah, oui. Donc tu sens le gars serein, épanoui et content d'être là où il est, en fait. Oui, c'est impliqué. Et on parlait tout à l'heure d'éthique de travail, mais de toute façon, continuer à jouer au niveau auquel il joue, c'est passé par énormément de boulot, énormément de sérieux. Quand t'as déjà fait de la rééduque, tu sais que te péter les deux genoux deux fois... Exactement. Et ça transpire sur le vestiaire, parce qu'il y a... On regarde encore les dernières déclarations, hein, qui sont sorties, mais quand ils évoquent vraiment le côté culture du travail, les mecs restent tous très longtemps avant, après les sessions d'entraînement, justement, chercher à s'améliorer, continuer à communiquer ensemble. Et on parle de famille. Bon, après, c'est des mots. Hein. Le groupe vit bien, le fameux groupe vit bien. Mais mais il y a des signaux quand même. Voilà, exactement. Il y a des signaux qui ne trompent pas au-delà du discours assez stéréotypé de oui, le groupe vit bien, l'important, c'est les 3 points. Enfin, on connaît tout ça, hein, d'accord. Mais en fait, il y a des signes qui ne trahissent pas. Et on le voit ne serait-ce que sur D-Rose. Le mec, avant de rentrer en jeu, tu vois qu'il s'étire. Tu sens que maintenant, il sait mieux écouter son corps. Alors qu'au début de sa carrière, voilà, il fonçait un peu dans le tas et ça, il a appris de ses mésaventures. Et en ça, il va aider la jeune génération, les nouveaux Knicks, les petits jeunes, les Quickly, les Topines. Il va les aider à progresser, à leur inculquer un peu de la culture basket. Et c'est très bien pour le groupe, quoi. Niveau mentalité, moi, il y a 2-3 choses que j'ai vues quand il est sur le terrain, des trucs tout ronds, mais que certaines mégastars ne font pas ou ne font plus. En tout cas, lui, il a été quand même très haut MVP. Truc tout simple, il perd un ballon, il s'excuse. Il perd un ballon, il va essayer d'aller défendre jusqu'à la fin pour essayer de récupérer le ballon. C'est des trucs qui sont à la fois débiles et simples, mais Melo, pas le genre du gars, et pourtant j'aime bien Melo. Il y a plein de joueurs qui sont pas dans cette mentalité-là. Et quand t'as des... Il y a peu de joueurs qui le font. Quand tu as des jeunes, un gars comme ça, MVP, qui a été une méga star, humble et qui se donne à fond pour le collectif, forcément, les autres se disent, bon, bah, on va y aller, on va travailler. Et avec Thibodeau qui est exigeant au possible, bah, en fait, tout le monde baisse la tête et on y va. On travaille. Donc ça, c'est quand même un très, très bon apport d'un gars qui, en plus, connaît parfaitement le coach, a besoin, je pense que ce coach le rassure, en plus, Rose, dans sa carrière, tu vois. L'air de rien, il s'est pété plein de fois. Quand il est sous Thibs à Minnesota, quand il est sous Thibs à Chicago, c'est des moments extraordinaires pour lui. Donc de toute façon, avoir ce cocon-là pour Rose, par contre, ça le rassure. Et en même temps, ça rassure aussi le groupe d'avoir un gars comme Rose. Donc pour moi, pour l'instant, c'est gagnant-gagnant. Et pour Rose... Et puis on n'a pas lâché ça pour très cher. Donc c'est parfait. Non. Oui. Eh, comme quoi, le front office des Knicks prendrait des bonnes décisions. C'est fou quand même de dire des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de panique pour l'instant, panique buy ou panique transfert. Et non, c'est intéressant. On verra par la suite pour les transferts. Mais pour l'instant, ils n'ont pas déconné. Le seul truc, et après, je vais vous laisser la main si vous peut-être aborder le sujet, c'est que y a des gars qui, depuis l'arrivée de Rose, sont benchés total. Sont sortis de la rotation complètement, alors peut-être envie de transfert ou pas, mais bon, premier, Rivers. Oui. Rivers, comme je sais, c'est il est décédé, le groupe sur la rotation. Et Knox, qui était déjà en fin de vie. C'est pas sur le même poste, mais oui, la victime collatérale de l'arrivée de D-Rose. Beaucoup craignaient que ce soit Quickley qui perde du temps de jeu. Non, il a gardé son temps de jeu, il a peut-être pas la même influence sur le jeu, mais il a gardé son temps de jeu. C'est effectivement Austin Rivers qui joue plus, mais voilà, c'est sur un profil et un poste comparable, combo guard, enfin, en termes de positionnement sur le terrain, l'influence de D-Rose est nettement plus importante, surtout vis-à-vis du collectif, que ce que pouvait être Austin Rivers. Donc se poser des questions sur la suite vis-à-vis de Rivers. Aujourd'hui, il faut le trade. Hein, Nous en parlerons dans la troisième rubrique de ce podcast. Il a rendu quelques services quand même à l'équipe. Mais en tout cas, c'est une victime. Voilà, c'est la première victime. Oui, très clairement. Et puis après, les gars, Frank Ntilikina, Vince, est-ce que tu veux en parler ou pas? Parce que le truc, c'est qu'on parlait de personnes qui avaient disparu dans le. Franck, honnêtement, on en parle parce qu'il est français. La dernière déclaration de Thibodeau sur le sujet, parce que Franck a quand même réapparu médiatiquement. À l'entraînement. Pendant l'entraînement, où en fait, forcément, les journalistes évoquaient la question de son cas, allait-il partir en G-League ou quoi que ce soit. Thibodeau a quand même manifesté son soutien. Toi, sincèrement, Vince, après, on détaillera un peu plus tard, mais juste ton premier point de vue là-dessus. Franchement, j'ai de la peine pour Franck. Honnêtement, je peux pas te cacher, voilà, on le suit parce que c'est un Français, c'est un Français qui a été drafté haut dans une équipe qu'on kiffe. Lolo et Joanie, on l'a rencontré, hein, vous vous rappelez, on a même pris l'ascenseur avec lui, si vous vous rappelez bien. On a pris l'ascenseur ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu vois, ouais. c'est un mec sympa, c'est-à-dire ça se voit, enfin, c'est un mec sympa. Tu peux pas lui souhaiter de mal, tu vois. Après, il prend du bashing sur lui, mais voilà. Honnêtement, tu vois, comme Denis Smith, quoi, mauvais endroit, mauvais moment, et drafté trop haut, je pense, par rapport à sa capacité basket en NBA. Je parle bien en NBA, toi. C'est un mec qui est bosseur, tu vois bien, physiquement, il s'est développé. C'est un mec qui a besoin de confiance. J'avais espoir que Thibodeau, justement, toi, le côté un peu couteau suisse défensif, il soit capable de s'en servir, toi, de le mettre en confiance en disant « Bon, c'est pas grave, tu prends peu de shoot, mais tu vas défendre et je vais te faire un spécialiste là-dessus. » Aujourd'hui, Thibodeau, il s'en sert pas. C'est pas un mec qui ouvre beaucoup ses rotations, mais toi, il s'en sert pas. Donc, je pense que même lui, il est pas convaincu du gars. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à partir, honnêtement. Maintenant, où? Parce que franchement, j'aurais bien aimé, moi, le voir partir à Détroit à la place de Denis Smith, dans une équipe qui attend rien spécialement de sa saison et où tous les mecs veulent se montrer. Là, aujourd'hui, sur 30 équipes, il y en a 26 qui ont un meneur et un meneur backup qui vont être meilleurs que Franck, ou qui a meilleure presse, en tout cas. Même le petit Maledon au Casey, il a déjà fait plus en un mois et demi que Franck en deux ans, quoi. Il est dans une situation très compliquée. Je suis pas sûr que ce soit vraiment à la NBA. Je pense que l'Euroleague serait quelque chose de plus adapté à lui. Ouais, c'est pour ça. C'est ce que je dis. Pour moi, aujourd'hui, en NBA, on est dans une ère moderne où les meneurs, c'est à foison en NBA. Des 90, des meneurs de qualité, il n'y en avait pas tant que ça tout le temps. Là, chaque équipe, tu as un, deux, voire trois joueurs qui sont capables d'être très forts à la même. C'est explosif, ça shoot beaucoup, c'est d'abord pour leur gueule. Et le problème de Franck, c'est que en tant que meneur, c'est quand même ultra limité. Hein. On est attaché à lui parce qu'il est français. Ouais. Il a pas... En shoot, c'est très, très, très, très moyen. Il n'y a pas de création. Même à la passe, comme tu dis, Maledon a déjà prouvé plus de choses sur les quelques matchs qu'il a joué. Kalinaïs, on peut pas en parler, à Détroit, bon... C'est ça, il est passé jouer. Mais après, potentiellement, sur ce qu'on avait vu en Allemagne, c'est quand même un joueur un peu plus flashy, donc plus... C'est plus un Américain, c'est ça. Voilà, dans la mentalité. Franck, c'est un joueur très européen, c'est-à-dire le collectif, et qui se fait sublimer par le collectif, ou qui va faire la passe d'avant, mais statistiquement parlant, pour la NBA et dans le modèle NBA en 1 contre 1, c'est compliqué. Et moi, sincèrement, en NBA, aujourd'hui, je vois aucune équipe qui a vraiment besoin de Franck et qui aura envie de le relancer. Donc, même pour nous, c'est dommage parce que c'est une valeur quand même bien moindre. Sa fenêtre de tir, elle est d'aller se faire signer chez la Parker Academy à l'ASVEL. Pour moi, toi, son futur, il est là. Et je suis sûr qu'il ferait un bon taf, comme tu dis, en Euroleague et en championnat de France. Quoi. Après, est-ce que c'est son souhait Non, mais voilà, il est jeune. Je lui souhaite quand même un deuxième. Au moins qu'il fasse un deuxième test. Tu vois, je veux dire, enfin. Il ne peut pas rester là-dessus. Tant pis, il faut l'envoyer. N'importe où, quoi. Enfin, n'importe quelle équipe qui te file un second tour de draft, t'auras gâché un pick 8. Tu l'envoies aux Kings, quoi. J'en sais rien. Tu veux encore, il va être Haliburton. Mais non, mais toi, compliqué. Tu l'envoies aux Rockets. Haliburton et Fox. C'est ça, mais tu l'envoies aux Rockets. Il n'y a plus que John Wall sur les lignes arrière. J'en sais rien. Enfin, tu trouves un truc où tu mets une pipe à Minnesota. Les Rockets, je pense que c'est pas mal. Mais le gars, il faut qu'il parte. Et en plus, c'est fin de contrat cette année. Il se montre pas. Il va être signé par personne. Là, c'est Air China. Là, c'est les Ducks de Shanghai là, qui l'attendent à ce rythme-là. Après, à voir. Parce que si Thibodeau le conserve et si vraiment le front office compte lui trouver une porte de sortie, ça dépend du scénario. Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il mette son nez à la porte à un moment ou à un autre. Quoi. Donc, Je pense qu'ils attendent quelque chose. Peut-être un tour de draft contre ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils espèrent pouvoir le trade. Tu vois, il y a d'autres joueurs à trade, mais je pense qu'ils espèrent faire un package. Et je pense que Franck est dans le package. Ça sera pas la pièce maîtresse, ça sera un asset dans le lot. Et Et c'est peut-être pour ça que le discours de Thibodeau est non, je veux pas l'envoyer en G-League, genre il est pas si faible que ça, mais tu vois, mais il fait pas jouer quand même. Mais tu vois, c'est pour pas le cramer encore parce que bon, faut essayer de le garder un minimum de valeur. Bon, les gars, on a spoilé la grosse partie rumeur et trade, mais revenons quand même sur un élément majeur du calendrier parce que bah, comme vous le savez tous, l'All-Star Game va finalement avoir lieu à Atlanta, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour des raisons de droit télé, hein. On est d'accord, la NBA c'est un business, il n'y aura pas spécialement de public, ou peut-être en quantité réduite. C'était à la base prévu Indianapolis, si je dis pas de bêtises. Finalement, ils vont faire ça en Géorgie, à Atlanta. Tant Trae Young, dommage pour eux. Bonne journée. Voilà, merci de nous recevoir chez vous. Ouais, bah, c'est pour des considérations de droit télé. Je sais plus quel est le diffuseur, c'est pas ESPN ou... TNT. TNT, c'est TNT, ouais, sur le... Ouais, c'est TNT. Les All-Star Games, alors au lieu de faire un week-end, ils vont tout faire sur une journée, alors je sais pas comment ça va se regarder, parce que déjà que c'est long d'habitude. Ouais, mais c'est pas plus mal sur une journée, parce que sur trois jours, tu perds l'intensité. Tu dis ça, tu vas même pas regarder. Non, je vais pas regarder, c'est clair. C'est pas plus mal. Mais au moins, ils vont pas me bouffer mon week-end avec... mais en tout cas, ce qu'on peut pas reprocher à la NBA, c'est d'essayer différentes formules, différents formats, quand même, pour faire perdurer un peu l'All-Star Game. Oui. Les joueurs sont même pas pour. Parce que là, c'est vu le Covid et tout, il n'y a aucun intérêt de le faire. C'est une histoire, ils ont des contrats. Ouais, c'est toujours un match de gala. Enfin voilà, c'est un match déjà entre guillemets. Même si l'année dernière, la formule, elle était un peu plus compétitive, ça ressemblait un peu plus à quelque chose. Après, moi, je suis content qu'il y ait le All-Star cette année pour une raison qu'on va évoquer tout de suite, parce que voilà, ça permet à des joueurs qui méritent d'être All-Star. Bah, ça fait partie des contrats aussi, hein. des rémunérations. Il y a des choses qui sont indexées autour de ça, donc... Oui, on pourra parler de Luka Doncic aussi sur le sujet, il y a un truc qui avait fuité aussi. Bon, bref, juste, alors, même si tout le monde a évidemment la sélection en tête, juste petit rappel quand même, donc dans un premier temps, les sélections se font Est et Ouest pour avoir le vivier de joueurs. Auparavant étaient sortis les titulaires, donc on a évidemment ceux qui ont le plus de votes côté Ouest, c'est LeBron James, donc rejoint par Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic, Kawhi Leonard. Pas trop de surprises quoi. Pas trop de surprises. Côté Est, Kevin Durant qui chope tous les votes, et du coup on a du Bradley Beal, du Kyrie Irving, du Giannis Antetokounmpo, du Joel Embiid. Des joueurs populaires, allez, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, on va dire que sur l'Est, c'est des joueurs populaires. Et, ouais, là, évidemment, là où ce que la sphère NBA, du moins les fans NBA attendaient, c'était la liste des réservistes, enfin du moins des remplaçants. Où là, on va pouvoir discuter. Mais oui, monsieur. On va commencer par l'Ouest. Donc ouais, comme l'Ouest, ça, du coup, on évacue, nous, on joue pas à l'Ouest. Oui. Hein, mais il y a Cocorico quand même. Côté Ouest, effectivement, Cocorico, Rudy Gobert, qui gratte sa sélection avec Donovan Mitchell, deux joueurs d'Utah. Parce qu'on a mérité. Vu la saison qu'ils font, oui. Très clairement. Ouais. Chris Paul. Bah, c'est le président du syndicat des joueurs. Bon. Tous les ans. Ouais, on peut le bâcher, mais le mec, depuis deux ans, il est irréprochable. Non, clairement. Irréprochable. Et Phoenix a pris un step-up grâce à lui quand même cette année encore. Ah, aux questions, on l'a mis à la cave. Il arrive au Phoenix Suns, on le met à la cave. Mais en attendant, Chris Paul fait tourner ses équipes. Quoi. Ouais. Et moi, je trouve que le boulot qu'il a fait au KC est encore plus impressionnant parce que franchement, autour de lui, c'était quand même pas la folie. Et c'est l'année dernière, ils ont fait chose de ouf. Donc non, Chris Paul, je pense que c'est mérité quand même. Ça reste un meneur. Et on va pas se mentir, on aurait bien aimé de l'avoir à New York quand même. Exactement. Enfin, on a Payton, donc du coup, ça va. Elfried n'est pas Gary. Hein. J'aurais préféré même Gary Payton le film. Ouais. On a Damien Lillard, comme ça va nous épargner quelques chouineries aussi. Donc c'est pas plus mal. On a du Paul George, on a du Zion Williamson, Anthony Davis, et voilà la liste côté Ouest. Bon, petit tour d'horizon, les gars. Paul George, scandale, pas scandale, non. Mérité. Il joue un bon basket depuis le début de l'année. Non, j'aurais pris Booker. Ah, ouais, par contre, je suis d'accord que j'aurais pris Booker, mais pas à la place de Paul George. Je sais pas la place de qui. Après, il y a Anthony Davis qui est blessé. Ouais, parce qu'il est blessé. Ouais, mais même, est-ce que sur l'année, je sais pas. Ouais, c'est vrai que sur l'année, il est moins dominant. L'année, tu vois bien qu'il garde. Toi, il est. Ouais, il en garde sous la pédale. Garde des forces pour moi, toi. Zion, bon, c'est pareil, c'est fort, mais pourquoi plus lui que Ingram, enfin, toi, Parce que c'est l'hype, parce que c'est bankable, parce que c'est la nouvelle coqueluche de la ligue, quoi. Moi, je trouve que Booker, il s'est fait carotte. Ouais, effectivement, ouais. Mais bon, t'es obligé de mettre deux mecs de Utah parce qu'ils sont premiers. Voilà, enfin, tout s'explique après. Mais... Franchement, Zion Williamson, au vu du classement du début de saison de la Nouvelle-Orléans, bon, il n'y a que l'hype. Je l'aurais pas mis. Franchement. Après, individuellement, il a quand même une belle ligne de stats. Faut pas. Voilà. Ouais, mais je suis d'accord avec Lo. All-Star, individuellement, tu prends aussi des équipes qui tournent. Si tu prends un mec qui met 45 points à son équipe, voilà, 3 victoires. Tu parles de Bradley Beal, là ou... Ouais, bah, Bradley Beal, franchement, bref, il fait une saison de dingue, mais il a mis des cartons, il a pris des regarde, c'est pareil, Luka Doncic, les Mavs, pour l'instant, c'est quand même une déception. Et il est starter, et même devant Lillard, tu vois, tu fais bon. Ouais, pour moi, je pense que Lillard. Mais après, c'est le vote des fans. Donc ça, c'est encore autre chose, le vote des fans, tu vois. Mais le vote des remplaçants, je suis désolé, j'en place une petite pour mes Spurs, hein, mais... Les Spurs, que tout le monde disait, de toute façon, c'est fini pour eux. Ils font une belle saison, ils sont cinquième, ils sont devant les Nuggets, ils sont devant les Warriors, ils sont devant les Mavs. Et DeRozan, il mérite fort sa place aussi. Hein. C'est un mec pour qui c'était pas gagné, je l'aurais bien trade il y a un an. Et aujourd'hui, honnêtement. Celui ouais, que tu trades, maintenant, c'est la Marcus. Hein. Ah, la Marcus, ouais, là, le pauvre, il court comme un gros poulet. Quoi. Il en peut plus. Quoi. Voilà. Mais je crois que j'ai plus de caisse que lui. Quoi. Regarde le courir. Regarde le courir. Imagine-le avec une crête et des ailes et tu vas voir. D'accord. Et Porzingis, il était pas All-Star. Ça. Il joue au basket. Ah mais tu sais que juste petit. Les Mavs sont peut-être à deux doigts de le trade. Enfin, en tout cas, ont testé le marché. Visiblement, c'est une rumeur qui est sortie hier. Oui, ils se renseignent. Sur la possibilité. On veut pas tirer sur une ambulance, mais le pauvre quand même, c'est. Bah bon, ambulance, c'est le bon terme. Hein, ah oui. Bah 150 millions sur un mec qui s'est pété, c'est toujours dangereux. Hein. Une Gilbert Arenas. Hein, tu bah, risque, et hein. Surtout sur un mec qui n'a jamais fait une saison régulière de A à Z en fait. Depuis qu'il est en NBA. Au final, aujourd'hui, d'avoir un Randle à la place d'un Porzingis dans l'équipe au poste 4, bah. Avec un salaire bien moindre, c'est pas mal quand même. C'est mieux. Ouais. Pour une équipe de merde, Phoenix qui sait pas faire. Aujourd'hui, c'est facile de le dire, mais l'année dernière, j'ai un peu eu le même discours, je pense. par contre, avec Joe, je suis désolé qu'on a toujours eu ce discours. On donne pas le max autant à Porzingis. On a toujours été d'accord sur c'est un super joueur à potentiel, mais tu peux pas lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a voulu se barrer, c'est que il est venu avec son frère, il a essayé de racketter tout le monde, et on lui a dit écoute, mec, tu joues 20 matchs dans l'année, on va peut-être attendre. Et c'est pour ça qu'on lui a pas donné le max. Il est allé en Ukraine, il a essayé de racketter un mec dans un bar, il est reparti avec les nez en travers. Ah, quand t'es fragile, t'es fragile jusqu'au bout. Hein. Ah oui, et le mec faisait 1m65. Hein. Bon, on va pas faire du kick bashing, mais parce que c'est, mine de rien, c'est quand même notre dernier All-Star avant Julius Randle. Et ben bah voilà, bah justement, belle transition. On va passer justement à l'Est avec les réservistes de l'Est. Donc on a évidemment Julius Randle. Ça fait énormément plaisir. Mais ça, on va revenir. J'ai jamais autant retweet de trucs sur Julius Randle All-Star. Quoi. Non, mais moi, c'est évidemment. Tu sais, jamais j'ai attendu comme ça entre l'annonce d'une sélection et l'annonce des réservistes. J'étais vraiment en stress. Alors là, franchement, j'étais pas bien. Mais t'imagines comment il nous a tous retourné, Randle, par rapport à l'année dernière Non, pas du tout. Là, comme quoi, une équipe de basket avec un coach, ça change plein de choses. Hein. Et comme quoi, les lectures peuvent être faites sur plusieurs angles, parce que moi, j'ai regardé un petit peu ces stats de l'année dernière, mais le mec fait pas non plus des stats dégueulasses. Non, il a des gros pics. Par rapport à ce qu'on lui paye, il fait quand même une saison avec des stats régulières sur la saison. Je parle, hein, il fait ses stats. Donc, il n'est pas non plus si dégueulasse, mais on le focalise dessus. Dans la manière. Ouais, parce qu'il force. De balles. Parce qu'il force, parce qu'il veut tout centraliser et qu'autour de lui, c'est. De toute façon, deux stats pour lui, hein, c'est les pertes de balles où vraiment, là, c'est. Même trois stats, je dirais. Les pertes de balles où il crante sur le sujet. Les lancers francs où son pourcentage, franchement, il a fait un bond par rapport à l'année dernière. Et les passes décisives. C'est vraiment là-dessus où il fait la différence. Surtout les passes décisives. Et qu'il arrête de se prendre pour un meneur. Il arrête de se prendre pour Kyrie. C'est ça le problème. C'est qu'il se met à dribbler. On va juste dérouler. Bon, on a notre barbu James Harden qui est repêché. Ouais. Mais c'est mérité quand même. Hein. Zach LaVine qui est récompensé. Avec une saison des Bulls qu'on voyait aussi clairement à la cave cette année. Hein. Bon, il a réussi un petit peu à sortir la tête de l'eau. Mais bon, j'ai le sentiment que les Bulls, ça va être un peu difficile quand même pour eux cette saison. Il finira pas la saison là-bas. Moi, je pense que Zach LaVine finira pas la saison à Chicago. Nous en parlerons dans la troisième rubrique. Voilà, on en parlera. Vince, il est chaud. Il veut tout spoil. Alors, à la fin de Game of Thrones. Effectivement, on va en parler de Zach LaVine, évidemment. Jalen Brown et Jason Tatum de Boston, donc deux joueurs de Boston. Là, ça fait débat. Un scandale. Là, voilà, je voulais remuer un peu le... Je lance le mot, c'est un scandale, monsieur. Je finis de dérouler, Ben Simmons. Ouais, Philadelphie, oui. Premier à l'Est. Oui, et Nikola Vucevic. Ouais, Orlando, premier... non, rien. Ah, non. Non, grosse saison, par contre. Alors, grosse saison, mais équipe en déclin. Donc, pas de joueur d'Indiana, pas de joueur de Miami, pas de joueur de Toronto. Ouais, compliqué ça. Toronto, tu sors qui de Toronto? Parce qu'en fait, pour emmener un gars à Toronto, je ne saurais pas. Van Vliet, ça me ferait bien chier. Non, tu peux pas. Tu peux mais pas, ouais. Toronto, il n'y a pas un joueur que tu as envie d'emmener. Par contre, à Adebayo ou autre à Miami, ouais, ouais c'est pas toi. Ces équipes, enfin, ces joueurs, pardon, payent le début de saison loupé de leur équipe, quoi. Donc, ils ont un retard à l'allumage. Et même perso, Siakam n'a pas été bon. Hein. Il a même été décevant. Ouais, non, Siakam, il a pêché. Kylori, bon, c'est. Voilà, c'est... il est pas sur la meilleure pente de sa carrière, mais c'est logique. Le gros scandale, c'est Sabonis. Je suis désolé, mais. Indiana 4ème. Qu'il est en 20-15, il sort des triples-doubles. Individuellement, il y a absolument rien à lui reprocher, quoi. À mon sens, moi, c'est Vucevic qui lui prend sa place par rapport à. Moi, je suis pas d'accord avec toi, je pense que Boston doit pas envoyer deux gars. Ouais, voilà, Tatum ou Brown, et je dirais même Brown parce qu'il est plus régulier, quoi. Tu vois, je sais pas. Mais... Ouais, mais Tatum, c'est aussi un peu une darling de la NBA. Tatum, c'est comme Doncic. Tu peux pas les enlever, c'est le futur, quoi. Et bah, t'enlèves Brown, mais parce que je suis désolé, mais les Celtics en ce moment, par rapport. Alors, ils sont devant nous, mais par rapport à l'armada qu'ils ont, attend, c'est pas bon. Envoyer deux joueurs à Philadelphie, je suis d'accord. Deux joueurs à Utah, je suis d'accord. De l'autre côté, c'est les leaders de conférence. Mais voilà, ça doit pas aller au-delà. Après, les Nets à trois joueurs, c'est trop, mais c'est comme ça. Le truc, c'est que Durant, titulaire, sa saison, elle est pas extraordinaire. Ah... Il fait des bons matchs quand il est là. Non, mais quand il est là, il est très fort. Tu dis ça parce que t'es un hater. Ouais, mais moi, je... Non, c'est un joueur... Non, mais Durant est le meilleur joueur, certainement, de l'Est. C'est pas le problème. Ce que je te dis juste, c'est qu'il a manqué beaucoup de matchs. Après, un mec qui s'est fait le tendon d'Achille. Un mec qui s'est fait le tendon d'Achille, qui revient et qui joue comme ça, honnêtement. Il est exceptionnel, mais je te dis juste qu'il a manqué beaucoup de matchs. Mais même Kyrie, hein. Bah pour moi, merci. Kyrie, en plus, c'est en mode, je suis pas là, je reviens quand j'ai envie. Voilà, extra sportivement, c'était un peu compliqué. Après, quand il joue, le mec, c'est un artiste. Hein. Enfin, je suis pas spécialement fan de l'homme, pas spécialement fan des Nets non plus. Hein, mais quand tu regardes l'ensemble, voilà, c'est un artiste. Bradley Beal, bon, c'est pareil, titulaire. Le mec cartonne. Ok, Washington est nul. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça mérite une place de titulaire au All-Star? Surtout qu'il s'est fait snobber l'année dernière. Quoi. Ah, il s'est fait snobber, mais qu'il soit en remplaçant, ça m'aurait pas choqué, toi. Au contraire. Oui, mais l'année dernière, il était même pas remplaçant. Donc deux années de suite, faire l'impasse sur Bradley Beal, c'était compliqué. Ouais, mais les gars, après trois nets titulaires, ça aurait fait tâche, les gars. Ouais. Après, ils sont bons. Hein. Ils sont bons, hein, les trois, et puis ils jouent pas tout le temps en même temps, donc il y a toujours ils sont toujours au moins deux à cartonner. Ils sont bons quand ils sont pas les trois sur le terrain. C'est paradoxal, mais quand ils sont les trois sur le terrain, c'est plus. Bah après, ils se sont renforcés depuis, je crois, en défense, mais quand ils sont les trois sur le terrain, c'est quand même plus la merde. Mais du coup, quand ils sont à deux, vu qu'ils font tourner, bah t'as toujours soit Harden et Irving qui cartonnent, soit Irving et Durant. Enfin, et Harden, donc, tu peux pas les enlever. Bon, après, les Nets, ils feront leur vie, on s'en cogne un peu. Ah, on reste à entendre parler quand même. Ouais, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, on est bien d'accord, Sabonis. Scandaleux, Adebayo scandaleux. Ouais, est-ce qu'on évoque le cas Butler ou pas? Non. Il est revenu. Touché par le Covid. Jimmy, si cherche quelque chose, Thibodeau, il a son numéro, on peut s'arranger. Voilà quoi. Enfin, lui, ça m'aurait fait kiffer de le voir. Ouais, je pense que Thib l'a dans un coin de sa tête, mais de le faire venir avec compliqué. Il force un transfert, mais il faut vraiment qu'il force dur là. Parce que là... Non, il aurait fallu forcer avant le départ de Minnesota. Bon. C'était là. Non, je n'y crois pas. Les gars, et donc du coup, All-Star Game, public ou sans public, on se pose la question. Mais quoi qu'il arrive, les gars, on a enfin retrouvé du public au Garden. Ah. Donc c'était la nuit dernière face à Golden State. Petite défaite au passage, mais bon. Malgré tout, 2000 privilégiés au Madison Square Garden. Une vibe différente quand même. Des réactions et des coups de sifflet qui font plaisir aussi. Mm-hmm. Moi, c'est toujours un plaisir hein, quand tu vois un pseudo N1 siffler et la réaction du public derrière. Donc c'est toujours sympa. Des MVP qui sont descendus sur les lancers francs du MVP. Oui. Un MVP totalement mérité, bien entendu. Justement, tu as ton point de vue du coup sur le sujet. Julius, il réalise une saison exceptionnelle. Moi, je vois des trucs passer. Je suis pas trop. J'ai pas les réseaux comme Twitter et tout. J'ai Facebook, c'est déjà pas mal. Et Insta. J'en vois encore qui demandent son trade, j'en vois encore qui disent oui, il mérite pas. Et Julius, il fait une saison de mammouth. La même saison est faite par une méga star. On dit waouh, c'est extraordinaire, est-ce que c'est pas le GOAT ou quoi que ce soit. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien, personne. Le mec dans la mentalité est top. Il fait quand même gagner des matchs. Et tu vois, quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, l'équipe, c'est totalement différent. Donc, franchement, moi, je le félicite. On est team option. On va la prendre. Enfin, à moins d'un... Je ne comprendrai pas. Et s'il demande le max, on lui donne. À un moment donné, on lui donne le salaire. Parce que les gars qui sont fantasmes sur Touquet, tu additionnes les tours de draft et tu récupères le meilleur joueur de la prochaine draft qui devient Michael Jordan, c'est que sur Touquet. Les gars qui te disent « Ouais, il faut balancer Julius pour une star. » Une star, ça veut dire quoi à notre époque? Une star, ça veut rien dire. Aujourd'hui, au poste 4 dans la Ligue, qui éclate Julius? Il n'y en a pas 50 000 qui sont largement plus forts que lui. Donc, y a, sur le papier, tu as Giannis et un peu Davis qui sont hors normes. C'est deux extraterrestres. Sinon, Julius, il se pose là, quoi. Il est extraordinaire dans ce qu'il fait. Il est très bon pour l'équipe. C'est une très bonne mentalité. On ne le paye pas trop cher, il va demander son salaire, ça sera mérité. Moi, franchement, Julius, ouais, je veux construire avec. Alors, est-ce que c'est ton franchise player sur tes 10 prochaines années? Je ne te dis pas forcément ça. En tout cas, tu as un mec majeur qui s'épanouit dans ton équipe, et ça, c'est bien. Qui s'épanouit à New York et dans le contexte, c'est bien. Thibodeau a l'air de kiffer le gars, il a l'air de kiffer Thibodeau. Franchement, Julius, c'est, j'en tire mon chapeau. Et franchement, ouais, je suis devenu fan du gars sur plein de raisons. Et dernière chose, le gars, l'année dernière, tout le monde lui crache à la gueule. Il baisse la tête, on en a déjà parlé. Et cette année, il ferme des bouches. Rien que pour ça, franchement, alors, moi, je kiffe. Le truc, c'est pour faire un peu la transition avec le All-Star Game, là, c'est aussi son attitude. Moi, là où je mettais certaines réserves, c'est que je me suis toujours dit, en fait, que Randle, en fait, c'était pas nécessairement un franchise player, quoi. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être encadré, qui avait besoin vraiment d'avoir vraiment une star à côté de lui, ou du moins quelqu'un à un niveau un peu au-dessus. Alors, ça, après, faut voir le parcours de Randle. Oui, après je vais peut-être pas revenir sur ma pensée, ça a toujours traversé la tête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, cette saison, on a vu que dans la mentalité, la manière d'aborder les matchs, d'aborder, de gérer les cas chauds, certaines situations de match, il a en tout cas l'attitude d'une All-Star, quoi. Très clairement. Ouais. Et en ça, je suis vraiment, vraiment très satisfait de son début de saison et surtout de sa régularité dans la performance, les gars. Parce que moi, j'ai pas en tête un match où il est totalement passé à travers, les gars. Non, il a toujours fait un minimum. Il fait toujours quasiment, au minimum, je crois qu'il doit faire 14-15 points. Il est pas loin des 10 passes et des 10 rebonds à chaque fois. Hein. Et surtout, et après, je laisse Joe et Vince parler parce que je n'ai pas rien parlé. Surtout, quand il est sur le terrain et qu'il n'est pas là, on voit la différence, je suis désolé. Et il te met du tir à 3 points, il a une bonne régularité. Il te fait des passes décisives qui servent à quelque chose. Il prend des rebonds très importants. Il a un shoot à mi-distance qui est hyper fiable. Donc franchement, Randle, on ne l'attendait pas en à fait, ce niveau. Là, tu décris un joueur de calibre All-Star, quoi. C'est ça. Tout simplement. Ouais, voilà. Régularité, il fait gagner l'équipe, il implique l'équipe, il est présent dans différents secteurs statistiques. Donc c'est ça qui fait qu'il a été retenu par les coachs pour valider le bon début de saison d'Enix. Et aujourd'hui, c'est la tête d'affiche d'Enix, même si c'est pas forcément celui sur lequel on misait au début. Plutôt du RJ Barrett, non. Plutôt du Obi Toppin. Donc là se pose la question, est-ce qu'on a bien drafté ou pas? Bon, ouais. Voilà, aujourd'hui, Julius Randle, c'est le leader de l'équipe, c'est un fait. Donc oui, une attitude très bonne. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter sa participation au podcast de JJ Redick. Il revenait un peu sur son parcours, tout ça, sur le fait qu'il ait voulu venir jouer à New York. Il avait envie de venir jouer à New York, il avait envie de venir dans un gros marché, puisqu'il avait connu Los Angeles avant. Il est passé par Nouvelle-Orléans. Par Nouvelle-Orléans, oui. Et donc il a eu envie de venir tenter le pari, s'exposer, il a eu l'envie de ce challenge de venir jouer au Knicks. Donc ça c'est très louable et ça donne envie de continuer l'aventure avec lui, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de l'implication là, Johnny, de le fait qu'il implique ses coéquipiers. Rarement cette saison, tu verras Randle démarrer, du moins entamer son match sur un carton offensif. Il est souvent très discret en première mi-temps. Voilà, du moins en premier carton, quoi. Il laisse le jeu venir à lui. Après, ouais. Il assume ses responsabilités. Quand il faut scorer, on arrive souvent à s'appuyer sur Randle. Après l'adresse, ça va, ça vient, et il y a des matchs où il a eu plus de mal à l'adresse, mais il a continué de bosser, et si ça rentre pas à 3 points, il va aller chercher ses paniers à l'intérieur, et c'est ce qui fait sa force. Voilà. Et c'est aussi une force de la nature, le mec il est costaud, tu le bouges pas comme ça dans la raquette, hein. Clairement. Ouais. Et puis et dans sa gestuelle, il est assez humble, tu vois, c'est pas le genre à bomber le torse, montrer les muscles, fanfaronner. Et on l'a vu là-bas cette nuit, là, lors du match qui accueillait le public, il a un peu endossé ce rôle de capitaine d'une certaine façon en prenant la parole, en remerciant les fans et tout. C'est ça. Il a été mis en avant parce qu'il est All-Star, donc tout le monde le sait, donc tout le monde le félicite, le chante des belles chansons de MVP. N'allons pas trop vite non plus, mais clairement, il rend bien ça au public et il reste humble et donc et très souriant aussi, c'est pareil. Mmh. Je parlais du body language tout à l'heure de D-Rose. Où le mec il a le smile, Julius c'est pareil quoi. Et c'est pas ce qu'on voyait l'année dernière. Il était dans la difficulté l'année dernière. On gagne pas tous nos matchs cette année. Hein. Voilà, on lutte, on va louper certains matchs qu'on devrait prendre, d'autres où on est au contact. Bon, ça reste perfectible, mais le body language est quand même nettement mieux et tu sens que le gars il est épanoui et il rayonne sur l'équipe quoi. Donc ça c'est parfait quoi. Et quand il a mis son carton là, de 40 points, plus de 40 points là, t'as vu à la fin, là, a tourné assez sur les réseaux quand. Quand Quickley, quand Barret, tout le monde est venu, tu vois, tu sens quand même qu'il est apprécié dans le vestiaire. C'est un leader positif. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que les gars te suivent quand même. Et que Barret, qui pourrait se dire, bon, j'étais mis en tête de gondole, là, il est dans le dur. C'est pas sa mentalité non plus, mais du coup, voilà, ses coéquipiers lui rendent bien. Ouais, mais tu vois, si c'était un vrai connard, on va se le dire, peut-être que voilà, les coéquipiers réagiraient différemment. Il y a des têtes de gondole. Après, quand tu gagnes, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus que quand. Ouais, enfin, on n'est pas non plus à 30 victoires, 4 défaites. Donc, bon, c'est quand même des enseignements positifs qui dégagent. Vince, toi, du coup, ton point de vue ? Non, moi, honnêtement, je fais partie de ceux qui ont retourné leur veste en un an. Parce que l'année dernière, il m'a agacé. Maintenant, c'était un marasme. De toute façon, les Knicks, c'était compliqué de regarder l'année dernière, faut pas se cacher. Hein. Oh, oui. moi, à l'intérieur, qui passe son temps à dribbler, à spinner, à balancer des step-backs, si tu veux, ça. Toi, je suis de l'école Team Duncan, donc quand je vois un poste 4 qui fait ça, j'ai la nausée au bout de 20 secondes. Par contre, voilà, Randle, je trouve que c'est un mec... Moi, je l'ai vu jouer un peu aux Lakers, parce que j'ai regardé la fin de carrière de Kobe, hein, comme beaucoup. Il a commencé sa carrière pas facile, parce qu'il se retrouve dans une ère des Lakers qui est catastrophique, où il n'y a pas de ballon, où c'est l'anarchie. Et puis, il se fracture sur son premier match, en plus. Il se blesse gravement dès le début. La première saison, c'est facile, il a joué 14 minutes. C'est quasi saison blanche, quoi. Il a joué un match, mais après, je veux dire, toi, le mec, il a évolué, il a bien évolué. À la fin des Lakers, je trouve qu'il était. Je pensais vraiment qu'ils allaient le garder parce que c'était un mec qui devenait bien costaud. Parti à New Orleans. New Orleans, il a fait une très bonne saison, quoi. Enfin, une saison 29. C'est impressionnant ce qu'il fait, le change. 29-3, un truc comme ça. Enfin, il fait vraiment le taf. Il arrive au Knicks. Bon, bah voilà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un joueur qui arrive avec une ligne de stats comme ça avant, toi. Genre un mec qui arrive en 20-10. Ça court pas non plus les rues, quoi. L'année dernière, statistiquement, il refait son 20-10, son 20-10-2, 20-10-3, un truc comme ça. Mais dans le jeu, je l'aime pas, quoi. Hein, tu vois, 25% à 3 points, ça balance. Mais maintenant, voilà, il n'y avait pas de coach. Cette année, il fait la même chose, mais intelligemment, plus intelligemment. Il a plus Marcus Morris dans les pattes non plus, ça l'a pas aidé, faut être franc. Enfin, hein, à un moment tu savais pas qui était le patron. Non, mais tu savais pas qui était le chef, toi. Enfin, quand t'as pas de hiérarchie, c'est toujours compliqué, quoi. Et là, cette année, c'est l'option numéro 1, parce que je pense qu'il ne faut pas se leurrer, c'est que Barrett ne le sera jamais. L'année dernière, c'est un peu ce que tout le monde voulait, mais je pense que Barrett, il n'a pas les épaules pour être le leader de l'équipe. Et à eux deux, par contre, ils font le taf. Voilà. Et cette année, tu vois un mec qui tourne, c'est le meilleur marqueur de l'équipe, c'est le meilleur rebondeur de l'équipe, c'est le meilleur passeur de l'équipe, c'est le meilleur shooter à 3 points de l'équipe. C'est là où c'est un peu compliqué après. C'est quand tu as tout réuni sur un même mec, ça peut être dangereux. Mais le gars, il shoot à plus de 40% à 3 points, il met 80% de ses lancers. Enfin, les statistiques, ça veut pas tout dire. Hein. Mais bon, moi, je suis content qu'il soit All-Star. Je trouve que ça récompense le mec qui a pris la brouette, qui a mis ses coronas dedans pour venir au Knicks, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, faut être honnête. Il est récompensé pour son niveau et non pas pour son nom. Hein. Ça, c'est pour Doncic. Toi, je veux dire... Doncic, j'exagère, hein, mais toi, je veux dire, c'est... Voilà, c'est pas parce que tu t'appelles un tel, toi, peut-être que Melo, il y a des années, il a été All-Star parce que c'est Melo. Ouais. Je prends Melo parce qu'on parle Knicks, mais ça pourrait être, il y a d'autres joueurs très certainement qui pourraient être dans ce cas-là. D-Rose, mais à l'époque, on va parler d'un de mes idoles, mais il y a des époques où Vince Carter, il a été All-Star, il aurait pu laisser sa place. Hein, il n'y avait pas de scandale, ce qu'il n'y soit pas. Yao Ming, c'est encore autre chose. On a failli avoir Zaza Pachulia. Donc, toi, là, c'était les. Voilà. Mais toi, voilà. Randle, je trouve que voilà, c'est son niveau, c'est son travail qui paye. Il y a quelques années, il avait montré. Il était passé entre les mains d'un mec, d'un préparateur physique, là, où il était passé de. Lui et Oladipo, ils étaient passés de Boubou à Monster Truck. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. La photo était ouf. Et franchement. Bah ça commence de là. Hein. Enfin les mecs ils ont travaillé, ils ont un physique. Ils se reprennent en main quoi. Tu ne bouges pas. Les mecs ils sont à la salle. Ils apportent un voilà. Ils ont un vrai. Enfin je suis content toi. C'est un vrai poste 4 d'Enix quoi. Tu sais il y a Mason, il y a Larry Johnson. Enfin t'as des mecs comme ça qui marquent. Et j'espère que Randle, comme tu disais Juju, il va demander son chèque. Hein, c'est clair. De toute façon il aura. Il le mérite. Demander, hein. Il le mérite. Et j'espère que c'est pas juste voilà tu sais le fameux contracteur où tu donnes tout. Ouais. Puis une fois que t'as signé. Plus. J'ai pas l'impression non plus. Après, c'est la première fois dans sa carrière qu'il a vraiment l'occasion de montrer qu'il est un patron. Après, il a 26 piges. Il est là. Et tu vois, moi, j'ai un petit côté affection pour lui parce qu'en fait, il a galéré. Il y a ce côté grind, tu vois. C'est-à-dire, c'est un peu le côté new-yorkais qu'on aime bien, ce côté. Bah, je galère. Tout n'est pas simple. Bah, c'est pas grave. Je sors un peu, pas des bas-fonds, mais si, les dernières des bas-fonds, tu vois. Et il monte chaque étape. Et on l'a vu depuis un an et demi, du coup, prendre chaque étape. Et là, qu'il arrive All-Star, bah, en fait, t'as une affection vraiment que bah, tu récupères une méga star, elle est All-Star. Bon, Durant, voilà, il revient, il est All-Star, mais c'est logique, tu vois. Ouais, c'est un joueur exceptionnel, on comprend. Mais lui, rien n'a été simple pour Randle. Il a pris tout ce qu'on lui a donné, mais il s'est battu pour l'avoir. Et ça, du coup, t'as une affection différente pour ce genre de gars. Un peu comme Stark, tu vois. Je compare pas, mais Stark vient de nulle part. Et c'est un gars qui s'est battu pour chaque sauce. Sa sélection All-Star, il la mérite. Et tu auras toujours une affection particulière pour Stark. Donc, tu vois, c'est un peu cette image-là que j'ai de Randle actuellement. Et du coup, bah, moi, j'ai envie de garder ce mec. Tu vois, j'ai envie de m'attacher à ce mec et j'ai envie de garder ce mec dans l'équipe tant qu'on pourra, hein, tant qu'il aura le niveau. Hein. Le mec, c'est un gars qui vient du Texas et il a un gros tatouage de Notorious Big sur l'épaule, quoi. Donc, c'est qu'il a vraiment New York dans la peau. Donc, vraiment, là, faut le garder maintenant. Quoi. Même les mecs qui jouent au Nets, ils ont pas de tatouage de Biggie sur l'épaule, quoi. On d'accord. Donc, voilà, il représente New York, donc gardons-le. Et tatouage sur un corps qui est particulièrement affûté, quoi. On a vu vraiment la différence en fait entre l'année dernière et cette année. La tonicité, ça n'a rien à voir. Je veux dire, là, il a mis encore 2-3 spins, alors sans dribbler, mais je veux dire juste en mouvement de haut panier comme ça, 2-3 mètres de l'arceau, où vraiment il prend le dessus physiquement et en termes de rapidité sur son adversaire. C'est physique, c'est la moitié du taf en NBA. Hein. Regarde Jokic. Jokic, il perd 15 kilos, il domine la ligue. Le jour où Doncic il va travailler autant que Randle, la ligue, elle est finie. Hein. Ah, mais tu vois, et au rebond off, ce qui est marrant, c'est que tu le vois, des fois, il prend, il y a trois mecs sur lui, il les pousse à l'épaule, il dunk. Et ça, c'est important, tu vois. C'est-à-dire qu'il en impose quand même. C'est un but. Et ça, c'est important. Et du coup, ça rassure aussi ses coéquipiers, tu vois. Il n'est pas frêle, il est là, il est régulier. Le fait d'être régulier, c'est très important. C'est pas un mec qui va te mettre 45 points le lendemain un jour, 12 points le lendemain, 45. Il a mis une fois plus de 45 cette saison, plus de 43, enfin je sais plus exactement, plus de 40 points, je sais pas. Mais sinon, il est entre 25 et 30 en général dans ces eaux-là, on va dire 22 et 30. Mais c'est des points qui sont importants. Et comme tu l'as dit, Lolo, tout à l'heure, il les met pas en début de match, il les met dans les moments importants en plus, ces points. Souvent, il les met, c'est arrivé qu'il prenne feu en premier quart-temps, il y en a un, l'autre jour, il avait 14 points. Mais sinon, en général, il monte en puissance dès qu'il est chaud. Et en général, c'est en troisième et quatrième quart-temps qu'il prend vraiment les commandes. Et ça, c'est quand même, je préfère un mec qui marque des points quand ça compte et qui te tire l'équipe quand elle a besoin de lui, que quand un mec va te mettre 25 points au premier quart-temps et puis quand t'es dans le dur. Une petite chose aussi que je voulais souligner, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Juju, là, sur sa sélection All-Star, totalement mérité, le point de vue qu'on a pour lui. Moi, la chose que je voulais vraiment rajouter en plus de ce que tu avais dit, c'est le fait qu'il puisse avoir ce niveau-là, que l'équipe obtienne des victoires cette année versus ce qui a été réalisé l'année dernière, aussi bien individuellement que collectivement, sachant que l'équipe, la colonne vertébrale n'a pas changé. Alors, il y a eu des apports comme ça au niveau des joueurs d'appoint, mais la colonne vertébrale, intrinsèquement, n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Donc, c'est vraiment, ça mesure un peu l'impact de ce qu'il met sur la table tous les soirs en ce moment pour les Knicks, quoi. Et il se récupère Thibodeau, qui n'est pas le coach le plus facile, mais lui, il se dit « Ok, ce gars va me permettre d'évoluer, d'avancer. » Et il a bien fait d'écouter, tu vois. C'est intéressant. C'est intéressant, surtout qu'en ce moment, et on va peut-être finir là-dessus, mais tu vois, en ce moment, qui est régulier dans l'équipe, je vous le disais tout à l'heure, Malheureusement, RJ Barrett, c'est vraiment sur courant alternatif. Peut-être qu'un autre cas, on aura tendance à le développer, mais en ce moment, c'est quand même vraiment. Il a son deuxième trou d'air là. Ouais, donc deux, il a eu un trou d'air, un bon, un trou d'air. J'espère qu'il va revenir bon. Burks en ce moment, c'est pas terrible. Bullock, c'est pas terrible. Donc tu vois, il faut quand même marquer des pions. Il y a Franck, il est régulier. 0-0. Ouais. DNP. Donc, mais tu vois, en ce moment, les deux, comme je te disais tout à l'heure, tu as Rose et Randall sur le premier et second unit. Tu sais qu'ils vont être réguliers dans leur genre. C'est important d'avoir ce mec-là. Quoi. Parce que le reste, ça reste quand même sur courant très, très, très alternatif. Aujourd'hui, si on n'a pas Randall. On est quand même. Parlons du reste. Parler un peu de potentiel avenir court terme, moyen terme chez les Knicks. Toujours dans la case rumeurs, trades, section qu'on aime bien alimenter. Joanie, toi qui anime un peu là, nos différents réseaux, notamment sur Twitter et Facebook. Oh, j'en vois des choses. Hein. J'en vois passer des choses des fois. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit condensé de ce que tu as vu passer ? Alors, on va donner des noms, hein, après, on va pouvoir réagir dessus, voir des niveaux de crédibilité. Alors, il y a pas mal de noms qui ont circulé ces derniers temps, mais voilà, ça a parlé de Bradley Beal, parce que Bradley Beal, à un moment, faisait la tronche à Washington, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais des gens aimeraient le récupérer, on parle de personnes influentes qui pourraient essayer d'extirper Bradley Beal de Washington pour le faire arriver à New York. Sauver le soldat Beal. Voilà. comment ça se passe un trade pour récupérer un All-Star titulaire, meilleur marqueur de la ligue, avec les assets qu'on a à notre disposition? Moi, franchement, je ne sais pas. Il y a d'autres noms, il y a eu Victor Oladipo, parce qu'à Houston, c'est un petit peu particulier, on va dire, la situation, pour pas dire c'est le gros bordel. Après s'être débarrassé de DeMarcus Cousins, il se murmure que Oladipo ne fait pas partie du plan. De la suite de cette franchise. Oladipo, Onyx, à voir. Il y a eu des noms comme JJ Redick. Alors, on n'est pas du tout dans le même registre. Hein. On est sur, pareil, une situation à la Nouvelle-Orléans qui est un peu décevante au niveau des résultats collectifs, mais en même temps, la conférence, c'est compliqué. Un joueur qui est assez ancien, je ne sais plus quel âge ça lui fait, 35, 36, 36 37. Ouais, je crois. Il est plutôt proche de la fin de sa carrière que du début. N'irait-il pas mieux chez un contender? À voir. En même temps, il se dit qu'il aurait envie de revenir sur la région de New York parce qu'il y a une maison et qu'il aime y passer du bon temps. Bon, après, il y a une équipe de l'autre côté du pont qui a plus le rôle de contender que nous, mais sait-on jamais. Lonzo Ball, ça a été évoqué. Zach LaVine. Alors, Zach LaVine, le prix a dû un peu augmenter depuis la nomination All-Star hier. Ouais. Donc voilà, ça c'est les noms. Il y a eu CJ McCollum aussi qui est ressorti récemment. Oui. Il doit être encore blessé et il fait pas partie effectivement du bon début de saison des Blazers. Donc est-ce qu'il n'aurait pas envie de tenter un coup? Mais alors c'est pareil, pour qui, pourquoi? Bon voilà, ça c'est les noms qui circulent parce qu'il y a toujours beaucoup de noms. Est-ce que les Knicks vont faire un trade? Avec qui? Pour qui? Combien d'équipes impliquées? Voilà, moi je vous ai donné tous les noms. Bon les gars, votre avis? Alors déjà, on va parler du plus ronflant là dans l'histoire, du meilleur marqueur de la ligue, les gars, Bradley Beal. Bah, on le prend, mais contre qui? On le prend tous les jours, mais on n'a rien à donner. On va pas faire un trade à la Melo en donnant toute l'équipe pour récupérer Beal, tu vois. Tu touches pas à Randle, tu donnes qui au final? Moi, Beal, je le prends tous les jours, mais qui intéresse Washington? Parce que non, c'est pas. Non. Alors, on a Kevin Knox, Frank, on a des tours de draft. Allez, on veut bien mettre Rivers et Payton. Ouais, mais bon. Enfin, pour quelle raison irait-il prendre un tel package? Aujourd'hui, c'est irréalisable, Beal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois aucun moyen de faire venir. Il a pas l'air de demander son départ, en plus. En tout cas, je pense pas qu'il a envie de venir à New York. Peut-être. Il serait agent libre et tout, pourquoi pas, je sais pas, peut-être qu'il... Il y a plus de chances qu'il demande à renforcer l'équipe pour jouer quelque chose que... Les Lakers, c'est pas comme ça, tu vois, donc nous, franchement, Beal, moi, je vois souvent cette rumeur, elle est encore sortie aujourd'hui, là, Wild West, là, l'agent... Après, s'il arrive à l'avoir, c'est qu'il est vraiment très très influent, le garçon, parce que là... Beal, il va bouger, s'il bouge, c'est Miami, je pense, Miami ou les Lakers, mais... Voilà, des équipes qui auraient des choses à proposer et plus que nous. Ah, quoi, Miami, tu peux envoyer Tyler Herro ou Duncan Robinson, un pic, un jeune, enfin, tu vois. Nous, on a Parce que Washington, je pense que Washington, ok, il sera peut-être prêt à le lâcher au final s'ils ont quelque chose en retour. Ils savent que leur saison est faire beau. Il faut récupérer du matos, quoi. Mais il faut leur donner quelque chose quand même. Tu vois, nous, nos tours de draft, au bout d'un moment, c'est pas non plus sexy de fou. Attention, hein, y a peut-être le tour de draft des Mavs qui va valoir cher. Ouais, mais les Mavs, tu vois, les Mavs, ils sont capables de se qualifier pour les playoffs avec le play-in et tout. Enfin, j'y crois pas trop. Je vois pas ce qu'on va leur donner et je vois pas ce que Washington qu'est-ce va que, et qu'est-ce que Bill va y gagner? Après, Bill, déjà. Tu mets Bill Randall. Ouais, mais tu mets non, Bill à Adebayo Butler, je pense qu'il préfère. Hein. C'est pas méchant, mais. Puis il fait plus chaud à Miami. Quoi. Non, puis Miami, ils viennent de sortir de finale NBA, mais si là c'est dur, ils avaient eu plein de blessés. Aujourd'hui, le projet sportif, il est plus fort à Miami. Après, je pense que New York, on n'est pas loin d'avoir justement loin. Une pièce comme Bill. On n'est pas loin. On n'est pas loin, en même temps, on est loin. Mais avec une pièce comme Bill, alors je ne parle pas forcément de Bill, mais un truc qui se rajoute, tu step up parce que là, tu vois que les défaites qu'on a, c'est vraiment des défaites de merde parce qu'en fait, tu te dis, il ne manque pas grand-chose. Il manque vraiment un gars... un peu plus, il manque un Barrett fort, quoi, en gros, tu vois. Parler de toute façon qu'elle arrive de contrepartie. Le truc, c'est que moi, au niveau des trades, sur les noms, on va dire, ronflants, les gros salaires, là où je me fais vraiment plus d'illusions, c'est à partir du moment où on a un Randle, qui est notre valeur marchande, on va dire, la plus grosse valeur marchande qu'on ait dans le roster, à partir du moment où le gars fait sa saison, tourne, l'équipe a des résultats, c'est la seule réelle contrepartie pour avoir un gros trade, un blockbuster, je parle, et là, pour le moment, il est hors de question de bouger quoi que ce soit. Donc, en termes de timing... je pense pas que ce soit vraiment le moment. Est-ce que t'as intérêt pour l'équipe? Est-ce que t'as intérêt pour viser, viser du gros? Après, par contre, si on parle de joueurs, on va dire un peu plus dans la rotation ou quoi que ce soit, oui, moi je pense qu'il y a peut-être des ajustements encore à effectuer. Hein. Oui, complètement. Et moi je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais juste mettre les pieds dans le plat. Barrett, vous en faites quoi? Si vraiment t'as. Demain, tu vois, Bill, il te dit on est dans un monde fictif. Les gars, ils te disent Washington, ouais, ok, ça match, Bill, ok, on vous prend le Nuggets, on prend l'autre, on prend trois tours, bah, mais vous nous mettez Barrett en plus. Tu fais quoi? Toi, t'es dans la team Barrett. Non, mais Barrett, merci, c'est un bon joueur. Mais Barrett, c'est autoporteur, quoi. Barrett, c'est pas Brandon Ingram, c'est pas Jason Tatum. Désolé pour les Knicks. Hein. Alors maintenant, si t'es patient, t'as envie encore d'attendre deux saisons. Alors ouais, ça fait un moment qu'on attend, les gars. Mais si tu vas attendre encore une ou deux saisons, oui, tu gardes Barrett. Ouais, pour RJ, t'attends moins longtemps, mais il a pas encore montré l'étendue de son potentiel jusqu'où il peut aller. Alors que Bradley Beal. Tous les ans, t'as des mecs qui arrivent qui sont plus forts. Hein. Tous les ans, t'as des mecs qui arrivent. Hein. Donc en gros, vous êtes en train de me dire que Barrett, si t'as Beal, parce que aujourd'hui, t'as c'est pas les mêmes niveaux de joueurs, quoi. Tu vois. Je dis pas pour. Non, mais je te dis pas pour un joueur moyen, je te dis pas pour un joueur moyen plus. Moi, pour. On parlera de ce joueur peut-être après. Mais pour Bill, donc, vous donnez Barrett. C'est ce que je voulais savoir. Quoi. Et Julien, je vais être même franc. Pour n'importe quel gros joueur, potentiellement qu'on puisse avoir, mais vraiment, on parle du niveau All-Star. Là, on parle d'un All-Star titulaire cette année, pour le coup, Bradley Bill. Mais pour n'importe quelle grosse tête d'affiche, je lâche n'importe qui, sauf Randle. Très clairement, très clairement. Lavine, je sais pas comment ils disent les Américains, tu fais quoi pour lui? Parce que moi, je suis pas fan du joueur. Je le dis direct. Après, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'adorent. Moi, je n'aime pas trop. C'est un force scorer, mais je n'aime pas son body language, sa défense. Je n'aime pas la mentalité du gars. Bref, je ne suis pas du tout fan du joueur. Et c'est un joueur qui est souvent revenu dans les noms parce qu'il paraît que Thibodeau l'aime bien et New York est revenu. Vous faites quoi? Vous donnez Barrett pour la Là, non. je me pose la question. Voilà. Franchement, je m'interroge. Moi, pour moi, c'est pas le niveau. C'est pas un super cador, Lavine. Autant Bradley Beal, voilà. On a du recul. Alors après, même si ça galère à Washington. Moi, Zach LaVine, ok, ça stat, très bien. Mais on va dire, aujourd'hui, c'est lui le franchise player, c'est le meilleur joueur de Chicago, aujourd'hui, en l'état. Oui. Après, à voir s'il y a des Patrick Williams ou qui se développent, mais bon, on n'en est pas encore là. Personne ne développe à côté de Zach LaVine, souci. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'un joueur qui fait des stats, mais qui n'a pas réussi à faire gagner son équipe. Mark Cannon, c'est un joueur exceptionnel. Et Zach LaVine, la éteint. Mark Cannon, tu joues plus sur un poste 4. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que toi, c'est que t'as un très fort potentiel à côté de Zach LaVine. Zach LaVine, il cristallise. Zach LaVine, c'est Austin Rivers avec plus de talent. Tu vois, c'est avec du jump. avec du jump. Moi, je vous dis, pour moi, LaVine, c'est trop unidimensionnel. Je vais y arriver. C'est de l'attaque, l'attaque. Je veux pas me faire violence en défense. Enfin, moi, je vois pas la grosse plus-value d'avoir un gars comme ça. C'est 25 points par match. C'est des stats dans un collectif où il est isolé, où il n'y a pas d'autres gros scoreurs à côté de lui. Mais pour moi, la Vine Randle, je vois pas le fit. Je vois pas le fit. te dis franchement, je vois pas le fit. Même aujourd'hui, question, qu'est-ce que tu donnes à Chicago qui fait que ah oui, Chicago est intéressé pour ce type d'échange quoi. Tu mets RJ dans la balance ? Non, bah non, tous les jours. Il faut, à un moment, faut mettre. Aujourd'hui, à part Randall, t'as qui de bankable, tu vas te débarrasser de tes contrats que tu veux pas, tu seras obligé de matcher quoi que ce soit. Mais c'est RJ aujourd'hui. Il y a des joueurs qui ont de la valeur, c'est Randall, pour sûr. Mitch, effectivement. RJ et. Je pense que Mitchell Robinson a plus de valeur sur le marché qu'RJ Barrett aujourd'hui. RJ Barrett, c'est un beau potentiel. Mais un ailier qui a pas de shoot fiable, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas bankable. Ça reste un numéro 3 de draft, il y a encore un peu de hype dessus, je suis pas sûr que Mitch est Zion, ça y est, Zion, il est All-Star maintenant, donc c'est acté, le mec c'est une superstar. Ja Morant, il est rookie de l'année. Il va toujours très baler, si tu veux, l'image du 3e, celui qui a été pris par défaut. Et aujourlui, tu mets Ja Morant à la place de RJ Barrett Onyx, à mon avis, on n'a pas le même discours, tu vois. Après, je suis pas un hater, je suis pas un hater de Barrett, mais c'est juste que il est arrivé dans une fort draft où on avait l'espoir d'être une pick 1 et d'avoir Zion, faut pas se leurrer, on était tous pareils. Moi, j'étais hyper emballé par Ja Morant de par le côté esthétique du mec, tu vois, de son jeu. Spectaculaire, quoi. Spectaculaire, et puis le moteur qu'il a, ce gars-là, quoi. Enfin, ça a été une pile, quoi. Et du coup, forcément, un peu déçu d'avoir, entre guillemets, que RJ Barrett. Et honnêtement, tu vois, je l'ai vu jouer en live l'an dernier au Garden, et tu vois, il a mis des points. Tu regardes la feuille de match, il était à 16 points. Il en a mis 12 dans le garbage time, tu vois. Et toi, un peu déçu du gars, toi. Je trouve que. La déception, moi, je désolé d'appuyer, vient du fait que c'est un troisième pick. Parce qu'effectivement, voilà. Dans cette draft-là, t'avais pas mal de mecs. Se retrouver avec un troisième choix, alors même si tu te fais une raison, tu dis, bon, ok, c'est pas Zion. Bon, Ja Morant, t'as la bagarre. Mais après tout, t'es quand même sur une année où tu chopes un pick 3. Pick 3, t'es quand même ambitieux, quoi. Et Barrett était présenté comme un gros joueur, les gars. Barrett était. Il ne sera très certainement jamais. T'attends déjà, le minimum syndical, c'est un NBA, un joueur NBA ready, tu vois. Minimum syndical. Et le gars, il l'était certes, mais quand tu vois son inconstance, il trimballe encore cette saison. Parce que malgré tout, il fait pas une mauvaise saison non plus, les gars, cette année. On va pas. Mais c'est la régularité. C'est la régularité qui pêche. Non, il tourne à. Il y a 16 points, mais t'attends un 27-5 tous les soirs avec 40% à 3 points. Oui, et puis c'est surtout que les défaites, moi, c'est surtout que les défaites qu'on se mange, souvent, c'est pour sa gueule, parce que Randall est tout seul, quoi. Encore hier contre Golden State, je suis désolé, mais c'est tout frais. RJ, il m'a saoulé de ouf. Il n'y avait pas que lui qui était vraiment pas dedans. Mais j'attends pas le même rôle de Alec Burks et de Reggie Bullock. C'est par rapport à tes attendus, ouais, d'accord. C'est notre deuxième option. En ce moment, Burks est à l'envers et Bullock. C'est notre deuxième option sur le papier, parce qu'après, quand tu regardes dans le jeu. Il a moins de ballons, il a moins de kick et shoot, tout ça. Donc, est-ce qu'il est réellement la deuxième option à nuancer ? Hier, il ne met pas ses mi-distances. C'est pas nouveau qu'on sait que son adresse n'est pas fiable. C'est plus sur le drive qu'il appuie ses qualités. Et ses décisions, des fois, en attaque, elles sont catastrophiques. À vouloir forcer sur des drives, sur des Eurostep totalement cramés. Il est lent dans son exécution, en fait, il est assez lent, tu vois, c'est censé être un gars qui... Alors que défensivement, le mec apporte, le mec gêne, le mec est long, le mec est peut-être dissuasif et a souvent l'avantage de taille sur les postes de adverse, où il s'en sort en fait, mais quand tu vois que c'est systématiquement gâché sur l'autre côté du terrain, c'est d'autant plus énervant, quoi. Ouais, c'est dommage. Non, mais il y a un sentiment de déception parce qu'on attend plus et on attend de la régularité qu'on trouve pas. Après, voilà, pour revenir à la question de départ, c'est est-ce qu'on le trade, on le trade pas. Tout dépend, bien sûr, de la contrepartie de qui il y a en face. Si tu as un joueur qui est confirmé, tu te poses moins la question. Qu'est-ce que tu attends de lui au futur ? Aujourd'hui, c'est pick 3 de draft. Honnêtement, aujourd'hui, tu me demandes de redrafter. On peut pas toujours pas avoir Zion, Nidja, qui sont pris avant. Je pense que je vais chercher DeAndre Hunter, qui est aux Hawks maintenant, tu vois, qui je trouve plus régulier et on le voit moins, franchement, regardez les Hawks là de... C'est peut-être parce que je regarde pas assez les Hawks, ça va être sûrement pour ça. Ouais, ou alors t'essayes de le donner ton pic et d'essayer de récupérer un autre gros joueur qui est déjà installé en NBA, ça peut se faire aussi, tu vois, sur un truc. Après, voilà, moi je suis déçu de Barrett un petit peu, je veux pas lui tomber dessus, mais je t'ai dit, je le trouve lent dans l'exécution, je trouve mou et je trouve que cette année... Randall prend la pression, Randall prend la lumière, Rose est là pour t'apporter tout ça. Mec, tu devras te régaler. T'as Rose avec le second unit qui prend la pression, t'as Randall. Toi, on te demande juste de faire le Robin Mais ça. Vas-y, mais le bon Robin. Et sur trop de défaites qu'on a, parce que là, c'est, on va parler concret. Randle, il est tout seul. Et les autres, mais tu vois, j'attends pas la même chose, comme disait Lolo, mais j'attends pas la même chose d'un Burks, d'un Bullock ou quoi que ce soit. C'est Barrett quand même. Barrett, il est mis en tête de gondole depuis un an et demi, on le couvre, les tues. À un moment donné, cette année, il a fait quelques bons matchs, je te dis pas. Mais putain, à chaque fois, j'ai toujours l'impression que bah, Randle, il est tout seul, quoi. Franchement, c'est malheureux à voir, mais des fois, le starter, tu te dis, bon. Payton, on sait que voilà, c'est Payton, on va pas attendre grand-chose. Bullock, il est surtout là maintenant pour faire de la défense. Noël, il est incapable de te mettre plus de 10 points par match, c'est pas son, il n'y arrive pas, tu vois. Et donc t'as Barrett qui est là pour aider Randle. Bah mon gars, Randle, il est tout seul quand c'est le premier start, quand c'est le 5 majeur. Et c'est horrible de se dire ça. À chaque fois que RG joue, c'est la pièce en l'air. Est-ce que ce soir il va être bon? Ou est-ce que pendant 3 soirs, il va être très très moyen et on va perdre le match parce qu'il va nous manquer. À tel point que sur Instagram, moi je commence aussi à avoir des gars qui sont en train de pinguer Next Nation France sur le sujet de Barrett, quoi. Est-ce que pour équilibrer de temps en temps, ne serait-ce que sur un deux matchs, peut-être le sortir du 5 ou pas? Il y en a beaucoup qui commencent à se poser sérieusement. Rotations de Thibs sont installées. Hein. Faut pas. Voilà, ça va être. On va avoir du Payton toute la fin de saison comme meneur titulaire, à part s'il y a un vrai move. Juste pour reprendre un peu le truc, donc c'est vrai qu'on a évoqué le cas Barrett. Moi par contre c'est de se dire, donc par rapport à des McCollum, à des Redick, à des Lonzo Ball. Ouais, honnêtement j'ai un avis partagé sur les rumeurs là, hormis de faire travailler des graphistes avec des photos des avec un milieu d'Enix, mais toi je vois pas l'intérêt d'Enix en fait de faire un trade là maintenant, un espèce de panic move. Voilà, t'es là pour l'instant, t'es playoffable, tu continues. Hormis si un mec vient taper à ta porte pour dire les gars, on voudrait RJ Barrett et on vous donne Bradley Beal, comme on disait, et ça, c'est, ça n'existe pas, quoi. Il y a que dans Touquet. Je vois pas trop le voilà la, pourquoi aller casser ça. Bon, t'as ta structure d'équipe. Bon, effectivement, t'as des vieux qui te servent pas forcément ou des jeunes qui te servent pas forcément. Tu peux dégager Rivers, Nidikina, Kevin Knox, voilà. Pourquoi pas, ça, même RJ Bullock, pourquoi pas, tu peux faire de la place. Pour récupérer quoi et qu'est-ce qui te manque? Aujourd'hui, il te manque un vrai meneur, mais je vois pas qui on va aller chercher en vrai meneur. Il fallait aller chercher Chris Paul il y a un an, mais en plus, Chris Paul, c'est un ancien joueur de Leon Rose, hein. Enfin, c'était son staff. Là, il y avait un intérêt, toi. Aujourd'hui, toi, je regarde vite fait, c'est la liste des clients, les anciens clients de Leon Rose. Parce que ça reste quand même elle est longue. Non, mais c'est un mec qui a été influent. Hein. Ouais. Quand tu regardes les mecs. Joel Embiid, intouchable. Surtout en cette année, il va finir peut-être MVP. Enfin, toi, par contre, dans sa liste, t'as J.R. Smith, ça me ferait marrer, mais bon, on va arrêter. Et t'as Victor Oladipo. Ouais, forcément. Victor Oladipo, le mec qui vient de se faire bazarder, enfin, il s'est auto-bazardé d'Indiana. Parce que... Ouais, mais c'est un gars qui est tout le temps blessé, ça. Maintenant, voilà. Lui, on va dire, il est attrapable. C'est le plus accessible dans le lot, on va dire, quoi. Les Rockets, ils veulent des picks. Ils ont déjà eu Rivers. Tu leur envoies Rivers et puis. Franck. Franck, ils vont être d'accord. Toi, je pense que le trade, il est facile à faire. Maintenant. Quelle plus-value t'as à mettre Victor Oladipo dans ton roster? T'as toujours. Ah, je vois pas, et c'est une tête de con, il est blessé tout le temps, je sais pas. Franchement, Dipo. C'est un mec qui était athlétique, je sais pas trop maintenant, c'est un moment que je l'ai vu jouer. Encore une fois, t'as un espèce de combo 1-2, t'as toujours pas un 3 qui shoot à longue distance valable. Enfin, toi, je vois pas l'intérêt de casser, je préfère garder mon équipe. Et puis, comme tu dis, bah tant mieux si on fait les playoffs. T'es pas loin, t'es dans le train, hein, dans le classement. Maintenant, t'as les Bulls qui poussent derrière, les Hornets, ça va se casser la gueule. J'imagine, en tout cas, avec les jeunes, je pense pas qu'ils aillent beaucoup plus haut. Par contre, t'as le 8 qui risque de revenir fort. Puis le reste, ça reviendra pas. Enfin, Pistons, Cavs, Wizards. Ouais. Après le phénomène au Stargate, t'as toujours des équipes qui sont en pleine bourre. Attention, Hawks, toi, ils ont deux matchs d'écart avec les Knicks. Ils peuvent revenir, toi. Rien n'est fait. Moi, deux choses. Première chose, effectivement, on a quand même des résultats et une tendance qui nous permet de gagner du temps sur la manière dont notre GM veut construire la franchise. Ça accrédite également l'apport de Tom Thibodeau. Et je pense qu'en cela, déjà, effectivement, il n'y a pas lieu de paniquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, on va certainement perdre peut-être un ou deux matchs, mais les gars, on ne l'a pas évoqué une seule fois. Pas une seule fois, c'est l'absence de Mitch. Ouais. On l'a pas évoqué une seule fois, les gars. Parce qu'elle est plus ou moins compensée en ce moment avec Nerlens Noël. Je dis plus ou moins parce que autant en défense, oui, il fait le taf. Par contre, en attaque, il a pas les mêmes mains, il a pas la même finition. On a pu le voir contre les Warriors. Ça loupe beaucoup de ballons sous le panier. C'est dommage avec Noël. Même si Tash fait le taf en seconde unité. Bah, il dépanne, mais il va pas dépanner toute la saison. Alors, oui, Mitch, il s'est fracturé la main. C'est quoi? C'est 4 à 6 semaines. Donc, forcément, le break du All-Star Game, ça va compter là-dedans. Donc, c'est tant mieux. Il a l'air de continuer de s'entraîner quand même. Donc ça montre qu'il n'est pas coupé du groupe et qu'il va maintenir une forme physique. Ok, il est bloqué de la main, mais de toute façon, c'est pas le nombre de shoots qu'il prenait qui vont vraiment le freiner. Donc il garde la forme pour revenir. C'est une arme dissuasive, c'est de la finition au cercle. Quand il sera de retour, ça pourra que aller mieux. Ça manque, c'est le parfait complément de Randle. Enfin, je veux dire, le jeu, c'est gnagnant. Clairement, pour moi, le seul move qui serait, on va dire, logique et qui pourrait vraiment essayer de dire, voilà, là, on veut faire les playoffs et on bazarde pas notre futur, mais on essaie de faire les playoffs. Et il y a un mec qui va se faire couper dans pas longtemps, à mon avis, c'est le gros DD Drummond. C'est un New Yorkais, il va se retrouver, lui, ouais. Signer où il veut. De toute façon, il va avoir pris son contrat. Est-ce que ce gars-là, ça vaut pas le coup d'aller lui dire, mec, on n'a pas de pivot, viens avec Randle, vous allez cartonner, tu vas faire du 15-15 tous les soirs. Et ce qu'il va faire, hein, dans n'importe où il jouera, il fera du 15-15, ce gars-là. Et est-ce que lui, ça peut pas être vraiment, toi. Ça peut être un pari sur la fin de saison, mais et puis on te met un gros contrat l'année prochaine si ça marche, tu peux lui faire miroiter ça. Toi, ouais. Là, ça serait un move. Un pari me choquerait pas, d'autant plus que s'il est cuté et que nous, si on a le cap space nécessaire, mais ça il se tente, tu vas voir, ce sera le genre de mec. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se trame pour bencher autant Rivers, les autres et tout. Bon, ouais, Thibodeau, il a pas de patrie, hein, lui, il t'aime pas et tu joues pas. Hein. Et puis, c'est pas genre à ouvrir sa rotation régulièrement, enfin, voir jamais. Déjà, on joue à 10 joueurs, on va pas se. Déjà, sur le trade de D-Rose, à un moment, Détroit voulait Kevin Knox. Et ils ont dit non. Donc il y a un peu le côté, on garde cet asset-là pour quelque chose plus tard. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'au vu des rumeurs qui sortent, on essaie de se faire un petit trade. Il y a quand même des rumeurs qui sont lancées par New York, la presse new-yorkaise, comme quoi Thibodeau veut augmenter son équipe. Aujourd'hui, tu as besoin d'un intérieur supplémentaire pour ta rotation, un intérieur défensif, parce que c'est pas tout qui va te l'apporter. Et tu as besoin d'un shooter fiable. Les shooters fiables, ça court pas les rues, honnêtement, parce que tu vois les mecs, ils se font les mecs à plus de 40% à 3 points aujourd'hui. C'est en ça ou un JJ Redick, même si c'est pas le. Ah, mais Redick, il est trop petit. C'est une porte de saloon. Tu peux pas le faire défendre. Hein. C'est pas le plus sexy dans le lot. Redick, il a qu'un seul move, sortie de pique. Je prends le shoot à 3 points. On joue pas du tout dans cette façon là. Donc je vois pas trop l'intérêt d'un Redick. Il faut trouver un Alec Burks un peu plus fort. Et Alec Burks, on n'en parle pas non plus. Mais honnêtement, c'est bon. Le problème, c'est que. Ouais, c'est bon. Mais depuis qu'il s'est blessé, il a quand même du mal à retrouver son rythme. Je suis d'accord. Mais sinon, je veux dire, c'est une bonne pioche ce gars-là. Quoi. Je veux dire, il prend pas cher. Ouais, Il joue propre. C'est plus Bullock qui me pose problème. Moi, toi, Bullock, ouais. Il est titulaire. Même si, ok, il fait le taf en défense ou quoi que ce soit, mais merde, en attaque, c'est pas le niveau. Et encore une fois, les défaites qu'on a, et ça me rend dingue, c'est qu'on perd de 4, 5, 6 points parce qu'on n'a pas ce moment où Randle, il peut pas mettre 50 points tout le temps ou 40 points, ou Rose, il n'est pas là pour mettre 30 points non plus, ou Quickley, ça reste qu'un rookie. Après, t'as qui sur qui tu peux compter. Vous voulez un vrai kiff? Vous voudriez un vrai kiff de trade? Alors là, je suis dans la troisième dimension. Ça y est, l'exclusivité. Non, mais aujourd'hui, il y a un mec qui va être en fin de contrat, qui va t'apporter 15 et 20 points tous les soirs et qui n'est pas que d'un seul registre, il crée, il shoot, c'est Evan Fournier. Ouais. Evan Fournier, Orlando, ça va dans le mur, encore une fois, ça va être encore la déception. Au pire, ils feront les play-in, toi. Ah putain, moi, je suis rose, je me dis, vas-y, de toute façon, ils vont pas être gourmands, mais de Magic, qui risque de le paumer, il a pas signé. Hein. Il peut partir à la fin de l'année. Bon, vous savez, chez All-Star, mais ça suffira encore pas cette année. Bon, ils ont encore pété la moitié de leurs joueurs. Il est chaud. Il a eu des problèmes de santé, là, c'est un peu compliqué, mais je veux dire, c'est un mec à qui tu peux. Il va être ce que R.J. Barrett n'est pas, toi. Et ça va shooter, ça va driver, il crée en main. C'est pas un fort défenseur, mais il est concentré. Et avec Thibodeau, toi, je pense que c'est un vrai bosseur. Moi, aujourd'hui, j'aurais un vrai kiff de voir balancer Frank Knox et puis un pic futur un peu lointain pour récupérer Fournier en fin de saison. Ouais, c'est clairement. En plus, il avait évoqué à un moment, pourquoi pas jouer à New York, quoi, tu vois. Mais... Non, mais c'est soit lui, soit après, dans l'autre extrême, tu vas chercher genre un mec comme Harrison Barnes qui va être dispo, qui est vétéran, qui va t'amener de la défense, qui va t'amener du shoot et qui au Kings, de toute façon, très gourmands, je veux dire. C'est des mecs comme ça, je pense qu'il faut aller taper, tu vois. C'est des mecs, déjà, la maturité. Pour essayer de conclure un petit peu cette page sur les trades, on voit beaucoup de noms ronflants, de noms bling-bling. Aujourd'hui, les Knicks ne sont pas arrivés à un stade où n'ont pas les assets pour les attirer. C'est des Bradley Beal, c'est Oladipo à voir. Mais voilà, on n'est pas à ce stade-là. Il y a pas d'équipes qui peuvent attirer de par leur nom et de par leur roster. T'enlèves les deux équipes de LA, t'enlèves les Nets, et Miami. Pour moi, autour de ça, Même Utah. Non, mais Utah, ils sont premiers. Ah, les Warriors, peut-être. Tu remets les Warriors dans le lot avec des Wiggins. Ils ont quelques assets. Ils ont des assets, mais je veux dire, il n'y a pas des mecs qui vont se prostituer pour aller jouer là-bas. Tu vois, le Jazz, ça a beau être fort. Personne va dire, ah, les gars, je veux absolument être trade. Faut m'envoyer dans l'Utah. Ça n'existe pas, ça. Non, mais toi, même Portland, toi. Pourtant, c'est des équipes compétitives depuis quelques années déjà. Ouais, mais les joueurs se bousculent pas pour aller. New York, on a le nom de la ville. On s'appellerait les Saint Louis Knicks. C'est même pas la peine. Chose qui change quand même, c'est que cette année, ils montrent un meilleur, bien meilleur visage. Donc, ça redonne de la crédibilité, ça redonne de l'envie d'aller rejoindre le projet. Et tu montres que, bah, tiens, Julius Randle, il peut devenir All-Star en sortant des Knicks. Donc, il se passe quelque chose, ça retravaille dans le bon sens. Tu sens de la sérénité aussi qui se dégage dans les prises de décision, dans la gestion du roster, dans la manière dont l'équipe arrive, malgré avoir des résultats assez réguliers. On ne s'est pas mangé de grosses séries de défaites d'affilée quand même. Il y a toujours une réaction à un moment ou à un autre. Puis on ne s'est pas fait éclater non plus sur des gros matchs. On n'a pas pris des 30 points à chaque fois en disant, ouais, bon, les Knicks, il y a quelqu'un, je crois que c'est, je sais plus, c'est les Warriors ou quoi, qu'on dit, les Knicks sont toujours chanchés à jouer. Personne n'a envie de jouer contre les Knicks en ce moment. Tu vois, ça veut dire que, bah, tu sais que, ils vont te faire chier pendant tout 4 cartons. Donc, tu vas pas. C'est pas un match où tu vas aller tranquille. C'est un match de saison régulière, mais quand même, ça va donner. On n'est pas loin de rajouter juste une petite pièce, enfin, un mec qui peut te faire step up. Et ça, il y a peut-être des joueurs qui vont voir. Le projet devient intéressant. Oui. Alors juste, on va se projeter maintenant parce qu'on arrive vers la fin de ce podcast. Donc, les Knicks, c'est 7e à l'Est. C'est 15 victoires, 17 défaites à l'heure où on se parle. On est dans le bon wagon. On est dans le ventre mou, mais ventre mou haut. Au calendrier, on a un calendrier quand même qui est un peu plus clément. Là, avant le All-Star Break, il nous reste les Kings, les Pacers, Pistons, les Spurs qui a été déplacé et une nouvelle fois les Pistons. Sur les 5 derniers matchs, les gars, vous voyez combien de victoires en gros? Allez, on va commencer par Juju. Combien de victoires pour toi? 3. Joanny? Pareil, 3. Les deux Pistons et les Kings. Après, sur les autres, si on en prend plus, tant mieux, c'est bonus. Mais c'est des équipes un peu plus compliquées à jouer, quoi. Ok, Vince, pour toi? Je dirais bien 3, mais pas gagner contre les Kings, parce que de toute façon, c'est jamais possible de jouer facilement contre les Kings. C'est jamais. C'est l'équipe impossible à prévoir. Faut gagner absolument les deux des 3. Et après, j'espère aller taper les Pacers, toi. Ce serait bien. Ouais, je suis un petit peu, et honnêtement, c'est pas mal. Hein, et ce serait un bon message. Ce serait un bon message de gagner contre des mecs qui sont au-dessus de toi au classement, toi. Pas d'aller taper tous les petits, quoi. Voilà, Sabonis, il va avoir une petite revanche en tête. Bah, attends, Sabonis, il nous a fait très très mal le match aller, n'empêche. Hein, le fait qu'il joue contre un All-Star comme Julius Randle, ça va le motiver aussi. Donc, il va y avoir un match intéressant à voir. Il n'y aura pas Mitch, donc ça va être compliqué quand même. Les Pacers, ça va être très compliqué. Ouais. Bah, moi, je vous rejoins en fait, les gars. Moi, pareil, je vois les Pistons. De toute façon, c'est must win les deux matchs. Moi, je vois bien aller cueillir les Spurs comme ça, tu vois, c'est juste pour le plaisir, la petite surprise. Ça réussit pas les Knicks aux Spurs. Exactement, l'équipe touchée par le Covid, écoute. Petit, ça. Les Kings, on a beaucoup de mal contre eux. Alors j'aimerais bien les taper. Hein. On a perdu contre eux chez eux, donc il y a peut-être une petite revanche aussi à prendre. Donc. Indiana, adversaire direct, on les a déjà tapés une fois, ils vont avoir à cœur de nous renvoyer l'appareil. Et on n'a pas Mitch à l'intérieur, ça va être clairement... Donc c'est pour clairement. Ça, moi je vois le petit upset face aux Spurs. Ça ferait 3 victoires, 2 défaites, ce serait la même dynamique qu'on a depuis notre série de 5 derniers matchs. Ça nous donnerait pas nécessairement un bilan à l'équilibre, mais ça nous confirme, on se rattache sera toutefois être dans le bon wagon, à savoir 7e ou 8e place. Et moi je vois bien l'histoire comme ça, les gars. Allez, Adjou, j'ai vendu, on signe. Ça marche. Alors messieurs, dernier tour de table. Alors Vince, est-ce que tu as peut-être un dernier mot à nous faire partager? Une dédicace, un big up. Une dédicace. Non, je suis satisfait, franchement, en tant que fan de Nick, ça fait plaisir de voir une saison où on est plus la risée de tout le monde, mais c'est surtout que voilà, il y a des bons choix, il y a une construction qui a l'air de se faire comme il faut. Enfin, on se tourne vers l'avenir sereinement, et c'est pour ça que j'espérais, je te disais tout à l'heure, pas faire un panic move à balancer n'importe qui et n'importe quoi pour récupérer un joueur soit à moitié cramé, soit individualiste. Toi, j'espère qu'on développe bien et qu'on donne envie, comme pouvaient être les Pacers, toi, ou les équipes qui sont là historiquement et qui vont rester là, et qu'on puisse développer nos jeunes, récupérer éventuellement un ou deux mecs intéressés et intéressants à venir jouer chez nous. Et toi, j'ai hâte de voir la fin de saison des Knicks. Quoi. J'ai hâte d'être dans deux mois, voire 11. Ça marche. Juju, pour toi, dernier petit mot. Ouais, très content de la sélection All-Star de Julius. Et puis, moi, je commence à être un petit peu gourmand. Je prends du plaisir à voir notre équipe jouer. Et je suis gourmand au point où j'aimerais qu'on soit 6e. Voilà, j'ai pas des exigences de fou, mais 7e, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 7e, t'es dans le play-in. Dans le play-in, ça ferait chier de te faire taper, de pas faire les play-offs. Alors que 6e, tu fais les play-offs cette année. Je trouve que ça serait un beau message pour tout le monde et une belle récompense. Ça marche. Joanny, bah moi, play-in, play-off, je prends quoi qu'il arrive. C'était un peu l'objectif que j'avais en tête, moi, pour les Knicks cette saison. C'était redevenir sérieux, regagner de la crédibilité, être patient encore, parce que patienter, c'est pas que dire on développe des jeunes, c'est aussi travailler et se baser sur les joueurs qu'on a. On dit des fois, tu n'as pas ce que tu aimes, bah, aime ce que tu as. Et bah, aujourd'hui, moi, l'effectif, il est peut-être pas parfait, il est peut-être un peu bancal sur certains postes, mais il n'y a pas besoin de faire un move pour faire un move, pour avoir un nom. Continuons de travailler avec ceux qui sont en place et on verra jusqu'où on arrive, mais l'Enix cette année c'est quand même plus sérieux, c'est plus plaisant à regarder, donc faut que ça continue comme ça. Il parle bien votre président, hein. On sait pourquoi il est président. Hey, c'est notre projet. Et bah écoutez, moi, quant à moi, c'est une chose qui est importante, c'est le retour de l'ambition. Voilà, donc fait plaisir de voir une équipe compétitive, une équipe poil à gratter, une équipe qui va effectivement casser les pieds à pas mal de franchises, qui commence à avoir une bonne presse aussi, et ça fait du bien de parler en bien des Knicks. L'ambition, ben effectivement, de pouvoir choper ce strapontin pour les playoffs et prolonger le plaisir. Voilà, donc c'est mon plus grand souhait pour les Knicks. Voilà, ben en tout cas, messieurs, ben, je tenais vraiment à vous remercier. Merci beaucoup, Vince, pour ton passage. Ouais, l'invitation surtout, c'est un plaisir. Et qu'on peut te retrouver dans les différents comptes Twitter, on te voit aussi sur Insta. Je danse pas encore sur TikTok. Bon, en tout cas, j'invite tout le monde à aller consulter ta page, interagir avec toi sur NBA Nation France. Merci. Juju, grand merci à toi. Merci les gars. Merci beaucoup président, merci Joanny. C'est trop. Salut, merci. Voilà, et en tout cas, les gars, une chose à ne pas oublier, Knicks un jour, Knicks toujours, et on est toujours ensemble. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. I always will be a Knick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey!